France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Il ne tient pas un très grand rôle dans la pièce que l'on va entendre dans un instant. Il joue un collégien, mais il n'était pas un gamin lorsque cette pièce fut diffusée sur les ondes en novembre 1955. Il était déjà Darry Cole. Darry Cole, disparu en février 2006, auquel nous rendons hommage cette nuit en proposant l'Hôtel du Libre-Échange. Une comédie qu'il serait absurde de résumer, des situations théâtrales classiques, loin d'être inattendues, mais comme elles sont signées Feydeau, ça change tout. Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, la radiodiffusion française présente Louis Seigné et Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie Française, Marguerite Pierry, Robert Vattier, Pierre Mondy, Darry Cole, Michel Calabru, de la Comédie Française, René Dupuis, Rosie Vart, Monique Delaroche, dans L'Hôtel du Libre-Échange, comédie en trois actes, écrite en collaboration avec Maurice Desvalières. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Un cabinet d'entrepreneur à Passy. Une large baie vitrée par laquelle on aperçoit le faîte des arbres du jardin. Devant la baie vitrée, une grande planche en bois blanc formant table sur tréteaux. Sur cette table, des papiers, des lavis, des plumes, des crayons, tout ce qu'il faut enfin pour dresser des plans. Devant cette table, un très haut tabouret sur lequel est juché quelqu'un qui chantonne en travaillant. C'est Bradley. Angélique. La couturière est là. Eh là, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Hein? Vous ne pouvez pas cesser votre travail quand je vous parle? Quel rasoir. Cher ami, c'est un travail très pressé pour une maison que je construis avec notre ami Paillardin. Eh bien, la maison attendra. Bien, cher ami. J'hésite entre deux échantillons d'étoffe. Lequel faut-il prendre? C'est pour un fauteuil? Non, monsieur, c'est pour une robe. Ah, eh bien, j'aimerais assez celui-là. C'est très bien, je prendrai l'autre. Ce n'est pas la peine alors de me demander. Pardon, je vous demande parce que je sais que vous n'avez pas de goût. Comme ça, je suis fixée sur celui que je ne dois pas prendre. Charmant, c'est une crème. Bon, allez, travaillez. Oui, Angélique. C'est pas une femme que j'ai là, c'est un pion. Et dire que je l'ai épousée par amour, malgré ma famille. Oui, il y a 20 ans de ça, ça c'est vrai. Ah, si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Oh, le temps est couvert, il tombe même des gouttes. Jamais mon fils ne se mariera contre ma volonté, si jamais j'en ai un. Mais je n'en aurai pas, parce qu'avec Madame Pinglet, oh non. Entrez. Madame Paillardin. Bonjour, cher Pinglet, vous me recevez en robe de chambre, n'est-ce pas? Mais ce sont les privilèges du voisinage. Quand entre amis intimes, on a deux villas contiguës, c'est bien le moins qu'on puisse aller les uns chez les autres sans façon. Oui, c'est ce que je me suis dit. Votre femme n'est pas là? Si, elle est en conférence avec sa couturière. Ah. Et Paillardin, oh, va bien? Pas. Non, mais qu'est-ce que vous avez? Oh, je n'ai rien. Mais si, vous avez les yeux rouges. Non, rien, toujours la même chose, une dispute avec mon mari. Oh, pauvre petite. Voyons, est-ce qu'il se serait montré agressif? Agressif? Ah non, il n'est pas agressif. S'il était agressif, il y aurait peut-être quelque espoir. Je suis aussi peu pour lui que sa dernière pantoufle. Tenez, ne parlons plus de ça, ça m'agace. Je vais trouver votre femme. Oui, c'est ça, c'est par là. Et puis, vous savez, je le gronderai, Paillardin. Ah non, ça je vous en prie, ne l'ouvrez pas la bouche de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas demander à un manchot de jouer du violon. Oh, cette femme-là. Oh, oh là là. Ma femme qui me dit toujours que je suis fini. Si je suis fini avec elle, c'est pour faire chorus. Qu'on me mette donc en parallèle avec. Ah oui, enfin, voilà. Elle a épousé une espèce de moule. Ça, je peux le dire, c'est mon ami intime. Qui est-ce qui pourrait l'appeler moule si c'était son ami intime? Ah, si ce n'était pas mon ami intime, et si j'étais sûr de réussir auprès de sa femme... Ah, oui, mais voilà, je suis pas sûr de réussir. C'est pas moi qui vais faire une saleté à un ami pour remporter une veste, non. Mais qu'est-ce qu'il me fourre là-dedans dans son plan? Voyons, ce serin de paillardin de la pierre meulière pour soutenir ce poids-là. Mais il est fou! Oh, mais les voilà bien, les architectes, ils ne connaissent que la théorie. Ils nous font hausser les épaules, à nous autres entrepreneurs, de la pierre meulière. Je vous demande un peu, pour ce poids-là. Ah, ça... Eh ben, il a vraiment une jolie femme, tout de même. Bonjour, Pinglet. Je ne te dérange pas? Ah, non, au contraire. Je suis pas fâché de te voir. Hein? Qu'est-ce que tu me fous là, dans ton plan? Ben, quoi? Ben, quoi, tu veux que je mette de la pierre meulière pour supporter un édifice pareil? Mais tu es fou! Quoi, l'édifice? Ouais, il ne dépasse pas les proportions ordinaires. Qu'est-ce que tu veux donc mettre, toi? J'en sais rien, moi, de la caillasse. La caillasse. Mais comment feras-tu tenir le mortier avec ta caillasse? Ben, mais alors, mais du granit, mais quelque chose qui tienne. Oui, mais à quel prix? À quel prix est-il, le granit, hein? À quel prix est-il? Oui, à quel prix est-il? Ah. Oui. Ben alors, mais du liais, du clicard, de la roche, du bon franc. Non, c'est trop lourd, tout ça. Eh ben alors, mais de la lambourde, du verglet, du saint-leu, du conflant, du parmal. Non, quoi, putain, non, tu m'embêtes, tu as l'air d'un dictionnaire. Mais ce que tu voudras, pourvu que ça tienne. Ah ouais, naturellement, ça, pourvu que ça tienne. Ah, allez, voilà, les architectes. Si nous n'étions pas là, nous autres, entrepreneurs... Là, c'est bon, ça va. Ma femme n'est pas ici? Eh, si, elle est par là, elle est avec la mienne. Au fait, qu'est-ce que tu lui as encore fait à ta femme? Pourquoi? Ah, elle est venue se plaindre. Oh, mon Dieu, non, mais il n'y a qu'à la regarder. Oh, n'en parle pas. Elle est insupportable. C'est pas ce qu'elle a. Enfin, je la rends parfaitement heureuse. Hein? Mm. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je ne la trompe pas, je n'ai pas de maîtresse. Ben, dis donc, tu n'as pas de maîtresse, mais tu ne fais que ce que tu dois. Mais je le sais bien, mais encore le fais-je? Ben non, elle n'est pas encore contente. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Mais pourquoi ne l'es-tu pas? S'il faut être tendre avec sa femme, maintenant, zut. Léon, est-ce que t'es tendre avec la tienne, toi? Oh, mon vieux, 20 ans de bouteille... Eh ben, c'est une qualité. Pour le vin, mais pas pour les femmes. Veux-tu que je te dise, la mienne sent le bouchon. Alors, je peux pas dire ça de ma femme. Non, mais tu comprends, si après 5 ans de mariage, on doit encore attacher de l'importance à ces formalités-là, non. Si on doit se marier pour... bonsoir, autant prendre une maîtresse. Eh ben, t'as une jolie morale, toi. Non, mais ça, non, tu comprends? Je travaille toute la journée. Je passe mon temps sur les échafaudages. Je rentre le soir et rinté. Je me couche et je dors. Eh bien, ma femme ne peut pas admettre ça. Elle appelle ça un manque de respect. Ah, oh, ben le mot est heureux. Ben, est-ce que tu veux? Je suis pas un noceur, moi. Je l'ai jamais été. C'est même pour ça que je me suis marié. Bon, j'avais pas de tempérament. Ah, bon, très bien. En fait, tu es ce que nous appelons un glaçon. Un glaçon. Oh, avec ça que tu es si chaud, toi. Hein, tu crois ça, toi? Eh ben, mon vieux, tu me connais pas. Veux-tu que je te dise, il y a de la lave en moi, de la lave en ébullition. Mais seulement, j'ai pas de cratère. Ah, tu me fais rire. Ah, t'as bien l'air d'un volcan. Mais plus que toi, en tout cas. Oh, qu'est-ce que tu en sais? T'as pas de lave. Non. Eh ben alors, un volcan qui n'a pas de lave, c'est pas un volcan, c'est une montagne avec un trou. Ouais, enfin, c'est pas tout ça. Dis donc, je voulais te demander, tu ne pourrais pas me prêter ta bonne? Ma bonne? Qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, t'es bête. C'est pour mon neveu, Maxime. Eh ben, c'est du propre. Oh, mais ce que t'es un sement avec tes plaisanteries, pauvre petit. Oh oui, en voilà un qui pense pas à la gaudriole. C'est un bûcheur. Il ne songe qu'à piocher sa philosophie. Philosophe à son âge, qu'est-ce qu'il fera quand il sera vieux? Enfin, bref, il rentre ce soir à Stanislas pour l'achever, sa philosophie. Alors, je n'ai pas de domestique pour le conduire à son lycée. Enfin, tu sais que j'ai mis mon ménage à la porte. Oui, eh ben, c'est entendu. Mais pourquoi ne le conduis-tu pas toi-même, ton neveu? J'ai pas le temps, j'ai toute ma journée prise. Et puis, cette nuit même, je couche en ville. Ah, tout seul. Oui, ça m'étonnait. Oui, mon ami, alors, je dois passer la nuit dans je ne sais quel horrible petit hôtel. On prétend qu'il est hanté. Oui. Hanté par des esprits frappeurs. Oh, la bonne blague. Bon, c'est mon avis, parce que moi, des esprits frappeurs, quand je les verrai, j'y croirai pas. Oui. Non, mon opinion est faite, ça vient des fausses. Bah, évidemment. Seulement, le locataire demande la résiliation de son bail, le propriétaire sort bif, et le tribunal m'ayant désigné comme expert, alors, je suis obligé d'aller coucher là-bas pour constater. Fait que les esprits frappeurs ne sont que des gaz en rupture de tuyau. Et dis donc... Eh ben, ça n'a pas dû être pour arranger les choses avec ta femme, ça. Mais tu penses? Mais elle me fait des scènes depuis ce matin. Elle affirme que je profite de toutes les occasions pour la laisser seule. Elle devrait bien comprendre que l'architecte doit passer avant l'époux. Mais oui, mon vieux, oui. Mais prends garde aussi, toi, prends garde qu'un autre ne vienne à passer avant l'époux. Comment ça? Ah, j'ai pas de conseils à te donner, mais tu joues là un jeu dangereux. La femme, et la tienne avant tout, est un être essentiellement sentimental. Je ne te le souhaite pas, mais si jamais ta femme te prenait un remplaçant, tu l'aurais pas volé. Oh, ma femme me trompait. Eh oui. On trouve pas un amant comme ça, c'est au théâtre qu'on voit ça. Bon, va bon train, mon ami, va bon train. Parfaitement. Oh non, mais ta femme te tromperait, que je me tendrais, moi, tu sais. Surtout si c'était avec moi. Entrez. C'est toi, Maxime? Oui, mon oncle, je vous demande mille pardons de vous déranger. Mais vous ne nous dérangez pas, mon petit. Non, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, écoutez, voilà, je voulais vous dire, monsieur Pinglet, j'ai dû laisser ici, vous ne l'avez pas trouvé, mais un carreau que je venais d'acheter. Un carreau? Non. Un carreau en quoi, mon enfant? Mais en rien, monsieur Pinglet, c'est un volume. Un volume de monsieur Carreau. Ah oui, l'auteur dramatique, oui, monsieur Carreau, oui. Mais vous ne vous expliquez pas. Pardon, philosophe. Ah. Eh bien oui, quoi, l'auteur dramatique, le philosophe, hein, c'est toujours de la partie, ça, comme architecte ou entrepreneur, ça. Eh bien, non, mon ami, non, je n'ai rien trouvé. Ben, j'en suis marché, oui, c'est un traité de philosophie dont j'avais besoin. Ah. Il paraît qu'il réfute certaines opinions de Descartes, dont je suis en train de lire, d'ailleurs, le traité des passions. Ah, c'est le traité des passions, ça. Oui, dis donc, et la façon de s'en servir, hein. Oh, non, monsieur. Je t'en prie, mais ne va pas monter la tête à ce garçon, toi. Ben, je lui monte rien du tout, moi, j'ai fait une question. Généralement, un traité, regarde le traité du jeu de billard, le traité de l'écarté, c'est pour vous apprendre à en jouer. Monsieur. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Madame demande monsieur. Ah, ben, il y avait longtemps. Parce qu'elle essaie avec sa couturière et elle voudra voir le goût de monsieur. Non, parce qu'elle est embêtante, mais puisqu'elle ne le suit pas, mon goût, puisqu'elle ne le suit pas, hein. Bon, enfin, j'y vais. Eh ben, qu'est-ce que tu cherches, Maxime? Ah non, je vous dis, je regarde si je trouve pas mon volume, là. Mais non, mon ami, mais non, mais je te dis qu'il n'est pas ici. Il ne faut pas fouiller comme ça dans les tiroirs. Victoire. Oui, monsieur. Vous n'auriez pas trouvé par hasard un traité de philosophie de Vitro? De Vitro? De Carreau, monsieur Pinglet. Ah oui, de Carreau, oui, de Carreau. Je savais bien que c'était quelque chose comme ça, moi. Carreau ou Vitro, c'est toujours de la partie. Et il n'y a pas d'orthographe pour les noms propres? Ah oh, non, monsieur, non, j'ai rien trouvé. Bon, ben, j'en serai guide pour le racheter. Oui. À propos, Victoire, vous conduirez ce soir, monsieur Maxime, au collège Stanislas. Moi, monsieur, je veux bien. Non, mais je ne vous demande pas si vous voulez bien, je vous dis, vous le conduirez. À quelle heure? Ben, il faut que je sois rentré à 9h, monsieur Pinglet. Bon, à 9h, vous entendez, Victoire? Bien, monsieur, oui. Je te remercie, tu sais. Non, mais de rien, mon vieux, voyons. Ah bon, voilà l'autre. Voilà. Oh, quel temps, mon Dieu, quel temps. Allons, Paillardin, viens voir ma femme essayer. Eh ben, viens donc, tu vas passer un bon moment. Bon, ben allons. Bon, alors, l'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux qui l'invite à se joindre aux volontés, aux objets qui paraissent lui être convenables. Comme c'est ça. Eh bien, monsieur Maxime. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? J'étudie l'amour, oui. Oh, bon, allons donc dans cette position-là. Eh bien. Ah, il est gentil tout de même, ce petit. Si vous voulez, monsieur Maxime, je vous ferai bien répéter. Comment, mademoiselle, vous avez étudié l'amour? Madame, comme tout le monde. Dans Descartes, vous savez? Non, dans Dumas de café. Je crois, mademoiselle, que vous vous méprenez, là. Alors, dites. Vous voulez pas que je vous fasse répéter? Mademoiselle, vous me chatouillez, là. Ça vous est désagréable. Et je dis pas ça, mais enfin, vous me chatouillez. Qu'est-ce qu'il y a donc toujours après moi, cette femme? Oh, c'est pas gentil de vous éloigner parce que je suis là. Et je m'éloigne pas, je travaille. Je peux pas étudier mon amour s'il est tout le temps une femme à côté de moi. Oh, eh ben, c'est la première fois que j'entends dire ça. Et on dit ça que l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. C'est pas si on a un amour pour sa maîtresse et un bon père pour ses enfants. C'est un événement bien différent entre elles. Toutefois, en ce qu'elles participent de l'amour, elles sont semblables. Écoutez, mais le premier n'a d'amour que pour la possession de l'objet auquel se rapporte sa passion. Et on a, pour l'objet même. C'est agréable ce que vous faites là, vous trouvez, monsieur Maxime? Et oui, moi je. Au lieu que l'amour et qu'un père pour ses enfants est si pur qu'il ne désire rien avoir entre eux et ne veut pas les posséder autrement qu'il le faut, ni être joint à eux autrement qu'il l'est déjà. Ah bah c'est heureux! Bon, c'est eux, mais les considérant comme d'autres soi-même, ils recherchent leur bien comme le sien propre. Je vous en prie, mademoiselle, grattez, mais ne parlez pas. Oui, monsieur Maxime. On vous a jamais dit que vous étiez joli garçon, monsieur Maxime? Moi, je ne sais pas. Si, une fois. Ah. Une fois. Oui, le photographe. Oui, comme je lui ai commandé une douzaine d'épreuves, il m'a dit « Oh, ben, vous êtes si joli garçon, vous devriez en prendre 3 douzaines. » Alors, je les ai prises. Mais ça, c'est pas une femme. Non, ça, c'est un commerçant. Vous voyez, c'est un commerçant. Mais les considérant comme d'autres, soi-même, ils recherchent leur bien comme le sien propre. Il s'étonne de ce que Victoire ne lui caresse plus les cheveux. Ils recherchent leur bien comme le sien propre. Ou bien même avec plus de soin, parce que ce représentant que lui et eux font un tout. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Maxime? Non, rien, si vous voulez, c'est pour les cheveux, là. Oui. Si vous voulez, continuez. Oui, hein. Oui, eh ben non, là, ah, demandez donc à Descartes. Vous savez, mademoiselle, il est muet sur ce chapitre. Alors, eh ben alors, fermez votre livre. Oh. Est-ce qu'un jeune homme doit apprendre l'amour dans un livre? C'est comme les gens qui apprennent à nager sur un pliant. Ils sont bons à rien quand on les fiche à l'eau. Allez, posez-moi ce bouquin, là. Elle le lui prend et s'assied à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Regardez-moi ça. Est-ce que vous devriez être favoté comme ça? C'est comme ces vilaines lunettes. Est-ce que vous voyez pas aussi bien sans elles? Si, je vois même mieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Oh, tu permets quand la nature vous a donné du physique de s'enlever dur comme ça? Elle lui arrange les cheveux sur le front. C'est agréable. Si Victoire le serre sur sa poitrine. Oh, le petit. Hey, on est bien là-dessus. Madame, allons donc. Oh, mais tenez, regardez-vous dans la glace. Est-ce que vous n'êtes pas mieux comme ça? C'est vrai, ça, positivement, je suis mieux. Hé, hey, parbleu. Maxime remet ses lunettes et rabat ses cheveux. Il n'y a pas à dire, je suis beaucoup mieux, Voyons, alors, ou même avec plus de soin, parce que c'est pas longtemps que lui et eux font un tout. Oh. Et ils préfèrent souvent leur intérêt au sien. Monsieur Maxime. Oui, quoi? Allez, au revoir, mademoiselle. Au revoir. Mademoiselle. Non, c'est pas possible, il y a du sang de navet. Voyons, l'affection que les gens d'honneur ont pour leurs amis est de cette nature. Si, Oh, j'ai que vous me rendez la vie insupportable. Oh, bien, ma chère amie, qu'est-ce que vous direz quand vous aurez comme moi 20 ans de ménage? Oh, bah, plains-toi donc, toi, je t'ai rendu la vie très heureuse. Et moi aussi. Parlons-en. Mais parfaitement. Non, tu ne me l'as pas rendu heureuse. Si, je l'ai rendu heureuse. Mais non, ça y est, non, il n'y a pas moi travailler comme ça. Moi, je m'en vais, c'est pas grave, je m'en vais, non. Non, mais c'est-à-dire que je me demande pourquoi je me suis mariée avec monsieur. Enfin, est-ce qu'il se conduit comme un époux nouvelle fête? Oh! Ah non, mais il s'imagine que je me suis mariée pour surveiller le ménage et garder la maison. Car enfin, qu'est-ce que je suis en dehors de ça? Rien. Il me traite comme une quantité négligeable. Oh. Il me laisse de côté. Comment, ma pauvre amie, vraiment? Il me laisse? Oh, c'est très mal. Mais non, mais c'est de l'exagération. Ah, vous savez, nous avons 20 ans de ménage, monsieur Pinglet et moi. Mais si jamais mon mari s'avisait d'être comme ça avec moi. Comment, vraiment? Elle se vante. Mais enfin, quoi? Qu'est-ce que tu veux, hein? Ah, alors, tu ne veux pas que j'aille ce soir à cette expertise? Oh, mais si, allez-y. Que vous soyez là-bas, que vous soyez ici, je vous trouve toujours aussi éloignée. Oh, toujours cette rengaine. J'avouerais vraiment que j'attendais autre chose du mariage. Ah, on a du mérite à rester une femme honnête avec vous. Allons bon, là autre chose. Ah, ben ça, elle a raison, moi. Écoute, fiche-moi la paix, hein. Je t'en prie, tais-toi. Bon, si tu t'en mêles, toi aussi. Non, mais prenez garde qu'il ne me vienne un jour l'idée d'aller le chercher ailleurs, ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Toi? Pourquoi pas? Il y en a plus même que moi qui ont trouvé des consolateurs. Ah, la bonne farce. Mais ne te gêne donc pas, ma chère amie, mais prends donc ton consolateur. Ah, mais ne m'en défie pas. Si je voulais. Je connais des gens. Eh ben, va-t'en les chercher, tes gens. Hein? Va, allez, ça va. Oh, regarde, ne m'exaspère pas. Mais c'est elle qui m'exaspère. Mais qu'elle le prenne une bonne fois, son consolateur. Mais moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle en trouve un et qu'il la garde. Monsieur Pinglet. Mais tu es fou, c'est comme ça. Eh ben, c'est toi qui l'en as voulu. Oui, parfaitement. Bonsoir. Voilà comment il me parle. Oh, c'est trop fort. Marcel, je t'aime. Hein? Oh non, il est trop bête. Vous êtes témoin, n'est-ce pas, que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à lui dire. J'ai bien rempli mon devoir d'ami. Ah oui? Je lui ai dit qu'il faisait une bêtise. Il s'entête à la faire, et ben tant pis pour lui. Je ne retiens qu'une chose, c'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a répondu « prenez-le ». Eh bien, si vous avez un peu de caractère, vous devez le prendre, ce consolateur. Ah, mais... Ah oui, vous avez raison. Ah, ben voyons. Et ne me dites pas que vous n'avez personne sous la main. Mm. Moi, je suis là, moi. Vous? Eh ben oui, moi. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'on vous a insulté devant moi. Eh bien, je relève l'insulte. Qu'on vous a défié de prendre un amant, eh ben, je relève le défi. Je le serai, votre amant. Vous? Parfaitement. Ah, mais c'est que je n'aimais pas qu'on insulte une femme devant moi. Ah, mais Dieu m'est témoin que je souffre d'en être réduit à cette extrémité à l'égard d'un ami. Oh, je souffre horriblement. Ouais. Mais il n'y a pas d'amis qui tiennent. Avant tout, chez moi, il y a le chevalier français. Marcel, je t'aime. Ah, mais vous n'y pensez pas. Monsieur Pinglet, voyons. Mon devoir. Oh, pauvre sacrifié. Elle parle de son devoir. Oh, Marcel. Non, il y a des moments dans la vie où il faut savoir l'oublier, son devoir. Oh, et moi, est-ce que je ne l'oublie pas en ce moment? Et Madame Pinglet, et pourtant, je n'hésite pas. parce qu'il s'agit d'un droit supérieur. Oui. On nous a insultés. Et quand on insulte un homme, il n'y a plus ni femme ni enfant. On marche. Oui. Marchons. Mais comment? Eh bien, ensemble, allons-y. Oh, enfin, Clépeclé, non. Oh, non, non, je ne peux pas. Quoi, vous hésitez? Oh, Marcel, oui. Pas de pussy, pas de pussy, l'animité, voyons. Oh, Christy, avez-vous déjà oublié l'affront qu'il vous a infligé, là, devant tous? Ah, non. Alors quoi, vos engagements? Oh, ben, des engagements, voyons, est-ce qu'il a tenu les siens, lui? Oh, c'est vrai. Eh bien, alors, vous êtes délié des vôtres. Ah, oui, absolument. Oh, quand on pense qu'il a la plus jolie petite femme que l'on puisse rêver, et qu'il la laisse là, au rencard, en friche. Oui. Oh, mon petit, oh, mon petit Marcel. Rendez-moi mon mouchoir. Oh, tenez, mais il ne vous aime donc pas. Il n'a donc pas, mais il n'a pas de tempérament. Il s'appelle Paillardin. Oh, menteur. Oh, allez, nous avons une vengeance à tirer, bien prenons-la, éclatante et grande. Ah, oui, vous avez raison. Oh, merci de me dicter mon devoir. Vous verrez, moi, quel autre homme je suis, comme je suis tendre, aimant, digne de vous, enfin. Oh, Pinglé, vous êtes laid, mais vous savez parler au cœur des femmes. Oh, merci, Marcel, merci. Ah, Dieu sait qu'il y a une heure, vous m'auriez parlé de la sorte, je vous aurais repoussé avec horreur. Mais oui, ce que c'est que d'arriver au moment psychologique. Et maintenant, je vous dis... Parlez, Pinglé. Ordonnez, j'obéis. Oh, Marcel. Je suis au pays des rêves. Ah, voilà que je retombe dans la réalité. Marcel, nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà ma femme. Ce soir, votre mari part. Vous êtes libre. Je me ferai libre de mon côté. Oui. Et je vous retrouve et nous allons... Mais où ça? Ben, je sais pas encore. Ah. Non, mais je vais chercher. Je vous le dirai. Et alors, à nous la vengeance. Oui. Chut. Ma femme. Un homme bien élevé que votre ami Monsieur Paillardin. Pourquoi ça? Oh, pendant que moi, bonne âme, par amitié pour vous, ma chère Marcel, j'essayais de rabibocher les choses. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Ah! Et puis vous, fichez-moi la paix et occupez-vous de ce qui vous regarde. Ah, ça ne m'étonne pas de lui. Oh, mais c'est inconvenant. N'est-ce pas? À toi? Ouais. Son aîné. Hein? Mais c'est pas pour ça. Oh, ma chère amie, je vous plains d'avoir un mari comme le vôtre. Ah, ça. Aussi. Quoi? Oh, rien. Si jamais Monsieur Pinglet s'avisait. Moi, cher ami. Oh, ça ne traînerait pas. Ah, qu'est-ce que vous feriez? Moi? Prendrais un amant. Oh, Angélique, tu ne ferais pas ça. Parfaitement. Oh, ben, vrai, je serais curieux de voir ça. Madame, c'est une robe qu'on apporte pour Madame Paillardin. Oh, oui, c'est une robe que je viens de me faire. Vous permettez? Mais comment donc? Allez, qu'au moins le chiffon soit la consolation de vos déboires conjugaux. Au revoir, cher ami. Au revoir. Au revoir, vous. Au revoir. Alors, c'est convenu? Oui. Oh, c'est bien lui qui l'aura voulu. Madame, voilà le courrier. C'est bien posé ça là. Maintenant, où trouver un nid discret et mystérieux? Oh, que je suis bête. Dans le bottin. Mais dans pas de bruit. Ah, Victoire. Oui, madame. Je ne dînerai pas ici ce soir. Elle ne dîne pas comme ça tombe bien. Tu ne dînes pas ou dînes-tu? À Ville d'Avray. Chez ma sœur, ne va pas mieux. Tiens, lit. Même si par hasard je ne rentrais pas ce soir, ne t'inquiète pas. C'est que ma sœur serait plus souffrante. Je passerai la nuit auprès d'elle. Parfait. Alors vous avez compris, Victoire. Vous préparez à dîner que pour monsieur. Bien, madame. Voyons, les hôtels. Allons, bon. Ma modiste m'envoie sa facture. Ah, voilà, ça y est. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, rien, je dis voilà, ça y est, quoi, ta modiste envoie sa facture. C'est bien, c'est moi qui viens de vous le dire. Oui. Est-ce que vous avez des réflexions inutiles, quelquefois? Oui, Orja, oui. Voyons, hôtel de Thermidor, non, hôtel du pingouin et de la femme aimée, oh non. Oh! Quoi? Bon, voilà une idée de m'envoyer ça. Mais qu'est-ce que c'est? Des prospectus d'hôtel. 1, 2, 3. Des prospectus d'hôtel? Non, mais écoutez-moi ça. Sécurité, discrétion. Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence. Recommandé aux gens mariés. Ensemble ou séparément. Mariés ensemble ou séparément, il y a ça? Mais oui, regardez. Ah, oh, mais c'est vrai. C'est un hôtel pour faire ses farces. Oh, absolument. Oh, tout à fait mon affaire, ça. Chambre à tous les prix. Rabais important par abonnement de 12 cachets. C'est inconvenant. C'est inconvenant. Je vais prendre 12 cachets. Je me demande véritablement pour qui ils me prennent pour m'envoyer des prospectus pareils. monsieur qui demande monsieur et madame Pinglet. Un monsieur ? Qui ça ? Voilà sa carte. Oh, Mathieu ! Benoît, c'est notre ami Mathieu. Comment ? Mathieu ? Il a donc quitté Valenciennes ? Mais allez, Victoire, priez-le de monter. Bien, monsieur. Ah, dites donc. D'abord, enlevez ces papiers qui traînent. Ah oui, madame, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, des prospectus. Mais allez ! Mathieu, ici, ce cher ami. Eh ben, ça nous fera plaisir de le revoir. Lui qui nous a si gracieusement su lors de notre séjour à Valenciennes. Là, le fait est qu'on ne peut pas être plus hospitalier qu'il l'a été. Voilà. Il nous a logé, hébergé pendant 15 jours. Et oui, c'était lui encore qui avait l'air d'être notre obligé. C'est-à-dire qu'il était chez nous, chez lui. Oui. Aimable, brillant causeur. Ah, madame, un avocat. S'il n'était pas brillant causeur, alors... Entrez, monsieur. Ah, ben le voilà, entrez donc, mon cher Mathieu. Bonne surprise. Non, que c'est gentil à vous d'être venu. Mais asseyez-vous donc. Ben, pardon, mais donnez-moi votre parapluie, voyons. Ce pauvre Mathieu, mais il est trempé. Oh, mes amis, je suis ravi. Comment ? Je suis ravi de vous voir. Calmez-vous, mon cher Mathieu. Mais je suis qu'à... Mais qu'est-ce qu'il a donc ? Oh, mes amis, vous ne vous attendiez pas à voir. Mais qu'est-ce qu'il a donc, lui ? Mais dites donc, mon bon ami, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il me semble que... Non, remarquez, c'est très peu sensible. Mais il me semble que vous vous exprimez avec une certaine difficulté. En effet, cet été, pendant les 15 jours que nous avons passés avec vous, nous ne nous sommes jamais... Mais au contraire... Ah, ben, cet été... Ah, c'est que pendant ces 15 jours, le temps a été su... Le temps a été su. Et attendez, j'ai pas fini. Ah. Le temps a été su. Perbe. Ah bon. Ah. Alors, quand le temps est su. Perbe. Je parle. Comme tout le monde. Allons donc. Oui, tandis qu'au contraire, quand, comme maintenant, il tombe des... Rico ? Le barde. Oui, ça revient au même. Non, mais ne vous pressez pas, mon bon ami. Aussitôt, mon bébé... Votre... Mais allez, ne vous pressez pas, nous vous suivons. Mon bébé gamin apparaît. Oh, c'est curieux. Oh, avoir comme ça un baromètre à sa disposition. Oui, et quand il fait de l'eau, rage, plus un mot. Ah oui, muet. Oui, oh, c'est bien en bêtant. Non. Ah oui, non, mais oui, non, je vous comprends, oui. Non, en travant dans ma carrière. Ah, entravant dans la carrière, oui. Ah ben non, ben alors c'était pas ce que j'avais... Oui, en effet, mais c'est pas pour un avocat. Comment faites-vous quand vous avez à plaider ? Et qu'il pleut, eh bien, je demande la remise à huit. Huit clos ? Non, huit... Ah ben, il rue comme... Ten, oui. Oui, mais alors dites donc, dans les années pluvieuses, vous ne devez pas faire vos frais. Perte sèche. Oh, ce bon Mathieu, oh. Mais c'est gentil de ne pas nous avoir oubliés, hein. À peine arrivé, votre première visite est pour nous. Madame, vous pensez bien, mon cher cocu... Hein ? Mon cher cocu, qu'une... Non, mais qu'est-ce qu'il dit, vous ? Qu'une visite ne me tenait plus à cœur. Ah, bon ! Ce cher monsieur Mathieu, il a toujours un mot gracieux. Oui, oh, mais... Vous savez, vous n'allez pas être qui t'a si bon compte. Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit cet été. Si jamais vous venez à Paris, vous ne descendrez pas ailleurs que chez nous. Mais je l'espère bien. Ah, c'est une charmante surprise. Mais restez ici tant que vous voudrez, mon bon ami. Ah. 2 jours, 3 jours. Vous resterez bien 3 jours. Non. Ah, non, si, mais si, voyons. Voyons. Non. Pour nous faire plaisir. Non. Ah, écoute, Mathieu, je vais me fâcher. Non, un mois. Oui, eh ben, c'est gentil. Oui, c'est pas gentil. Bien gentil. Et je viens sans façon vous demander l'hospitalité. Mais on n'est pas plus aimable, il y a un mois. Vraiment, c'est trop. Non. Je vous assure que nous craindrions d'abuser. Pas du tout. Mais en tout cas, nous sommes bien heureux. Là, nous sommes très heureux. Oui. Dis donc, un mois, c'est peut-être beaucoup. Nous ne sommes restés 15 jours. Ben oui, mais nous étions deux, ça fait le compte. Ah, ce cher Mathieu. Au moins, je ne vous dérange pas. Pas du tout, voyons. Nous sommes assez largement ici pour vous recevoir. Oui. Et puis, vous ne tenez pas de place, mon bon ami. Vous arrivez en garçon, avec votre valise. Mais oh, ben, c'est que je vous réserve une surprise. Ah, mais tant mieux, Angélique, il nous réserve une surprise. Une surprise, oh, que c'est gentil, il pense à tout. Madame, on apporte une malle. C'est un moi. Ce sont vos bagages. Oui. Voilà le colis. Voulez-vous le pot? Voulez-vous le pot? Le pot. Zéla. Zéla. Eh ben quoi, monsieur vous dit de le poser là, posez-le là. Il me semble que monsieur vous parle français. Oui. Oui, combien vous dois-je? 40 sous. Bon. Mais mon Dieu, quel mal énorme vous avez. Oh, ça c'est vrai, c'est un monument. Enfin, on va la faire porter dans votre chambre. Par là. Oh, madame! Madame, c'est encore des commissionnaires avec des mâles. Encore? Oh, c'est à moi. À vous? 1, 2, 3, 4, mais c'est effrayant. Ah, c'est que c'est ici que la surprise commence. La surprise? Oh, mais c'est de la folie. Oh, Mathieu, vous n'êtes pas raisonnable. Moi, mais en quoi dans ça? Non. Mais qu'est-ce qu'il peut donc nous apporter dans tout ça? Qu'est-ce qu'il peut donc nous apporter? Oh, évidemment, ça doit être quelque chose d'important pour qu'il faille 4 balles. Pinglet, je n'ai plus de monnaie. Donnez donc 100 sous à ces cocos. Missionnaire, mais oui, voilà. Missionnaire. Oui, voilà, ça, non, mais ça y est, c'est fait. Bon, tenez, et maintenant, mes braves gens, allez donc à la cuisine, dire qu'on vous donne à chacun un verre de vin. Merci, monsieur. Voilà. Sur 5 malles, 4 de surprise. Mais sont-ils larges en province? Sont-ils larges? Alors nous allons ouvrir les malles tout de suite. Mais pourquoi? Mais pour la surprise. Non. Oh, il veut nous faire manger. Oui. Vous la verrez plus tard. Il a raté son coup de pied, moi je me méfie maintenant. Enfin, vous voulez nous faire languir? Eh bien, nous languissons. Oui. Mais ce que nous pouvons vous dire d'ores et déjà, c'est que nous vous sommes absolument reconnaissants. Le fait est que j'ai vu des gens généreux. Mais quand la générosité atteint, c'est un 600... C'est un con... Ah non, Christy, voyons, incommensurabilité. Mes compliments. Je ne bégaye jamais pour les autres. Madame, il y a des demoiselles qui viennent de descendre d'un petit omnibus du chemin de fer et qui demandent de... Là, c'est pour moi. Faites monter. Bien, monsieur. Là, c'est la surprise. C'est la surprise. Hein? Oui, vous ne connaissez pas mes filles. Non. Oh, quand vous êtes venu en été, j'étais garçon parce que depuis que j'ai perdu cette pauvre madame Mathieu, 8 ans. Oui, alors? Mes filles sont élevées au couvent. Mais on vient de le licencier, le couvent, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient des oreilles. Eh bien, c'est généralement comme ça. Rayon. Ah oui. Oui, eh bien. Alors, je viens de les faire sortir et je me suis dit, les Pinglets ne les connaissent pas, ces enfants, je vais leur faire une surprise, je vais leur amener mes filles. Hein? Oui. Et je suis venu en avant pour les annoncer. Mais comment? C'est ça la surprise? Mais oui. Mais alors, et ces mâles? Eh bien, ce sont les mâles de mes filles. Oh, eh ben, ouais. Ah, les voilà. Entrez. Venez. Hein? Il y en a 4. Ben, si c'est ça qu'il appelle une surprise. Venez, mes enfants. Oui, je vous ai souvent parlé de mes amis peintres. Oui, eh bien, les voilà, là, embrassez-les. Oh, monsieur Pinglet! Oh là là. Oh, mais dis donc, c'est de l'envahissement. Oh, bah oui, c'est une nuit de sauterelles. Oh, c'est égal. C'est égal, nous ne pensions pas que vous aviez autant de filles. Ah, voilà. Oui, eh bien, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les emmener aujourd'hui dans un autre couvent, hein? Non. J'attendrai que les oreillons aient disparu. Oui, mais où allez-vous les loger? Mais ici. Hein? Ici? Ah non, par exemple, non. Mais c'est vous qui m'avez dit. Oui, enfin, moi, je vous ai dit de descendre chez moi, mais quoi, ce sont des choses qu'on dit par politesse. Oh. Oui, vous m'avez pris au mot, vous arrivez, ça va bien, mais si vous devez m'amener du monde, ah non. Mais pourtant, mon ami... Non, mais ça, parce que vous prenez ma maison pour une caserne. Ben, si c'était une caserne, je n'y amènerai pas mes filles. Oui, non, ça, il est étonnant, ma parole d'honneur. Étonnant. Non, mais est-ce qu'il s'imagine que nous sommes installés ici pour loger les pensionnaires? À Paris, c'est pas comme en province. Mais c'est ta faute si tu ne t'es pas lancé dans des invitations. Ah ben, ça y est, c'est moi qui me suis lancé. Ah ben, les ventes, ça, c'est toi, au contraire, qui m'a dit. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous avons passé 15 jours chez lui, il faut que nous l'invitions. Mais je te l'ai dit, mais je ne pensais pas qu'il accepterait. Eh ben, c'est pas de ma faute s'il a accepté. Si, c'est ta faute. Si tu t'étais contenté de l'inviter une fois en l'air, la politesse était faite et il ne venait pas. Mais non, tu y as mis une insistance et tu revenais. Alors naturellement, ce pauvre garçon... Ouais, ben c'est ça. Dans l'obligation. Oui, tu t'excuses, c'est ça. Ça m'aurait étonné que ce ne fût pas de ma faute. Oui, alors, si j'ai bien compris, il faut que nous nous en allions. Ben, naturellement, mon bon ami, puisque je n'ai pas de place pour vous loger tous. Ah, mais oui. Eh ben alors... Allons-nous-en, mes enfants. Remercier monsieur et madame Pinglet de leur bonne réception. Merci, monsieur. Ça vaut pas la peine d'en parler. Voilà. Angélique, veux-tu voir si les commissionnaires sont encore à la cuisine et les prier de venir chercher ces malles? Oui, j'y vais. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces malles? Oh, toi, cher ami, je vais justement dire qu'on les descend. Oh. Madame. Cher ami, je vous présente monsieur Mathieu, un excellent ami dont je vous ai parlé souvent. Et voilà, et puis sa descendance. Madame Bayard. J'ai trouvé ce que nous cherchions. Vous êtes toujours décidé? Toujours. Eh bien, vous m'attendrez ce soir à 8h au coin de l'avenue du Bois, de la rue de la Pompe, dans une voiture dont vous baisserez les stores. Oui. Mais avec tout ça, où allons-nous loger? Oui, je suis à vous tout de suite. Si seulement j'avais l'adresse d'un hôtel. Et où irons-nous? Hôtel du Libre-Échange, 220 rue de Provence. Merci. Alors, hôtel du Libre-Échange, 220 rue de Pope. Rue de Provence. Eh ben, au revoir, Pinglet. Voilà, au revoir. Fayardin, je vous salue. Au revoir, monsieur. À bientôt et merci. Vous savez, nous y allons. Où ça? À l'hôtel. Ah, eh ben, c'est ça. Allez-y, voilà. Au revoir. Oh, Marcel, si vous savez combien je suis heureux. Allons, soyez sérieux. Dites-moi, votre mari est parti? Oui, c'est à peine s'il m'a dit adieu. Aussi. Oui, et avec moi? Avec vous. Oh, que je suis heureux. Écoutez, Marcel, ma femme dîne dehors, votre mari est parti. Voulez-vous que nous dînions ensemble au restaurant? Oh, la vengeance complète, alors. Ben, soit, je veux bien. Eh bien, allez vous apprêter dans une demi-heure au coin de la rue de la Pompe et de l'avenue du Bois. C'est entendu. Ah, vous partez, cher ami? Ah oui, je... J'ai un peu de migraine. Eh bien, soignez-vous bien. Tenez, Victoire, posez madame, ça là. Madame, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre dîner. Comme Victoire est obligée de conduire Maxime à Stanislas. Mon dîner? Ah oui. Allez, Victoire. Oui, madame. Non, toute réflexion en fait, je ne dînerai pas ici. Tu vas chez ta sœur, je suis garçon. Je vais m'offrir un petit repas à faim au restaurant. Au restaurant? Je n'admets pas que vous dîniez au restaurant. Mais quel mal y a-t-il? Là, vous êtes mariés. Quand on est marié, on ne va pas au restaurant sans sa femme. Oh, ah, ben merci. Qu'est-ce qu'on penserait de vous au restaurant? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Le jour où vous irez au restaurant, vous irez avec moi. Oh, avec vous, voyons, on croirait que je suis en bonne fortune. Pas de badinage. Aujourd'hui, vous dîneriez ici. Ah, c'est trop fort! Ah, ça, mais est-ce que tu vas bientôt finir de me mettre en tutelle? Qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis que j'en ai assez. Et que tu le veuilles ou non, j'irai ce soir au restaurant. Non, tu n'iras pas. Si, j'irai. Non, tu n'iras pas. Si. Ah, ben, tu vas voir comme dont tu vas y aller. Comment veux-tu me lâcher, toi? Mais non, mais veux-tu me rendre cette clé? Veux-tu me rendre cette clé? Non. Si. Tiens. Oh. Ah. Mais veux-tu? Au revoir, monsieur Pinglet. À demain. Oh, fermez aussi. Oh, la guerre. Et la misère. Il attache une échelle de corde à la barre d'appui de la fenêtre et descend vivement. À l'hôtel du libre-échange, et sur le palier du premier étage, les chambres numéro 10 et 11. C'est un hôtel de cinquième ordre. Sur les murs de la chambre numéro 10, papier à ramage bleu de mauvais goût et sale. Sur la cheminée, deux flambeaux avec bougies et deux vases en porcelaine peinte avec des fleurs artificielles et des plumets. La chambre numéro 11 est une sorte de dortoir avec quatre lits de fer et un grand lit en bois. Les chambres sont dans l'obscurité. Le palier seul est éclairé par deux becs de gaz. Une troisième chambre, la chambre numéro 9, s'aperçoit à hauteur de la troisième marche de l'escalier. Un valet de chambre est assis à une table, devant le tableau où sont suspendues les clés. Une bougie et une bougie, ça fait quatre bougies. Ça n'a l'air de rien. Eh bien, en 15 ans, car voilà déjà 15 ans que je suis à l'hôtel du libre-échange. j'en ai vu. En 15 ans, rien que par ce petit dédoublement-là, la bougie m'a déjà rapporté plus de 6 000 francs. Madame, il n'y a pas de petit carottage. Voilà mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez dedans, monsieur Boulot? Vous avez l'air tout bouleversé. Oh, monsieur Bastien, si vous saviez ce que je viens de voir! C'est pas ma faute, cependant j'avais frappé comme vous m'avez dit qu'il fallait le faire. Et mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Le 32 avait sonné, monsieur Bastien. J'ai frappé à la porte, on m'a répondu entrez, je suis entré. Il y avait une dame toute nue. Et bien après? Eh bien je vous dis, une dame toute nue! Monsieur Bastien, mais là, nue, de nue! Mais j'entends bien. Et elle m'a dit, garçon, apportez-moi les cartes à jouer. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Eh bien, je lui aurais apporté les cartes à jouer. Toute nue? Madame. Et vous trouvez ça nature? Une femme toute nue? Ben, je te crois. Oh, comme la vie est autre à Paris qu'en province. Boulot, mon ami, il faudra vous déprovincialiser ici. D'ailleurs, je suis certain qu'avant 15 jours de service dans cet hôtel, vous serez cuirassé. Vous apporterez comme moi dans les choses de la vie l'indifférence et le mépris. Ah. En attendant, puisque je vous tiens, vous allez me faire le plaisir d'aller frapper au neuf. Au neuf? Bien, monsieur Bastien. Je n'ai pas à m'inquiéter dans quelle tenue elle sera. C'est pas une dame, c'est un pion. Ah. C'est Chervet, le pion suppléant au lycée Fontade. Oh. Je viens de recevoir un mot du patron qui trouve qu'il y a assez de temps qu'il ne paie plus et qui me donne l'ordre de l'expulser en gardant sa malle. Allez, et fichez-le à la porte. Moi? Eh bien oui. Ah, monsieur Chervet, mais c'est ce monsieur qui est si rageur et qui parle toujours de vous brûler la cervelle. C'est des mots, tout ça. Ah oui, mais s'il me la brûle. Vous viendriez me le dire. Allez, boulot. Ah bien, monsieur Bastien. Oh. Ah, voilà des corvées que j'aime pas. Audrey! J'aimerais lui retourner chez la dame d'en haut. Oh, pauvre garçon. Quand il aura comme moi 15 ans d'hôtel, il sera un peu plus bronzé. Là, voilà encore des irréguliers, bien sûr. Garçon! Ah, voilà, monsieur. Monsieur et madame Désir. Garçon, avez-vous... Parfaitement, monsieur. Nous avons... Je sais ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant où la jolie madame sera très bien. Elle est bien mignonne, monsieur. Bien mignonne. Monsieur a très bon goût. Non, mais garçon, je ne vous demande pas ça. Oui, je comprends. Je devine le souhait de monsieur. Monsieur peut se vanter d'avoir de la chance. Nous avons justement le 22 qui est vacant. Ah, le 22. Les deux cocottes. Ah, mais monsieur, on reçoit même avec une. Hein? Avec une? Or, ça, garçon, pour qui prenez-vous, madame? Oh. Madame est une dame du monde. Du monde, telle son mère. C'est ce que j'allais dire à monsieur. On reçoit même avec une dame du monde. Et moi-même, vous devez me connaître. Et qui? Ernest. Le bel Ernest. Tout le monde connaît le bel Ernest. Le grand premier rôle de Montmartre, Batignolles et Belleville. Monsieur, vous seriez le bel Ernest? Oh, ce qu'il y a de jolies dames ici qui m'ont parlé de vous. Ah, vous entendez, madame? C'est une duchesse, vous savez. C'est une duchesse. Ah, mes compliments. Mais alors, à plus forte raison, je vous recommande le 22. Ah. C'est dans le 22 que la princesse héritière de Pologne est venue faire son voyage de noces avec son premier chambellan. Vous serez dans votre monde, madame. Oui. Mais dites-moi donc, c'est très joli tout cela, mais il doit être cher, votre 22, l'appartement d'une princesse de Pologne. Ben, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que ça me fait? C'est moi qui paye, vous savez. Hein? Mesdames. Sortez! Voyons! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, voyons! Non, rien, c'est un locataire qu'on expulse. Quand je vous disais qu'il me brûlerait la cervelle, quand je vous le disais, il ne veut pas s'en aller si on lui rend pas sa malle. Il ne veut pas s'en aller? Nous allons voir ça. Chérie, arrive ici un peu. Eh bien quoi, qu'est-ce que c'est? Voilà, fais-moi le plaisir de descendre et de déterminer un peu vite. Je ne m'en irai que quand on m'aura rendu ma malle. On te rendra ta malle que quand tu auras payé. Ah, c'est comme ça. Eh bien, vous entendrez parler de moi. Je suis très bien à la préfecture, moi. Et j'irai me plaindre. Et nous verrons si vous ferez tourner le malin quand la police débarquera ici. La police. Parfaitement. Parce que je dirais ce qui se passe ici. Il faut voir la composition, monsieur. Il faut voir. Mais dites donc, vous n'avez pas bientôt fini? Ce n'est pas à vous que je parle. Je cause avec monsieur. Et quel hôtel, monsieur? Une vieille maison qui craque de tous côtés avec des punaises. C'est pas vrai. Nous mettrons de la poudre tous les jours. Ah, ta poudre. Elle asphyxie les clients et fortifie les punaises. Avec ça, des chambres inhabitables, hantées par les esprits. Voulez-vous vous taire? Dans cette pièce que voilà. Il y a des esprits qui viennent toutes les nuits, qui font du bruit, qui cassent tout, qui renversent tout. Au point qu'on en a fait le dortoir des garçons et que les garçons ne veulent plus l'habiter. Allons donc. Même qu'on a été obligé de demander une expertise. Vous ne direz pas le contraire. Mais où donc sommes-nous tombés? Garçon, vous pouvez disposer du 22. Je sais pas. Oui, alors. Alors, venez, du chef. Mais monsieur, tu vois ce dont tu es contre? Parfaitement. Ils s'en vont et j'en suis fort aise. Ils s'en vont et je fais comme eux. Ah, et vous entendez parler de moi, vous savez. Vous entendez parler de moi. Oui, bon voyage, mon vieux. Va te faire expulser hier. Avec tout ça, il nous a enlevé deux clients. Bien, qui s'en aille des clients? Me dégoûte. Voilà-t-il pas pour un cabotin? C'est égal, j'aurais été curieux de voir comment un grand premier rôle de Montmartre, Belleville et Batignolles fait sa cour à une duchesse. Et voir, mais vous les auriez pas vus. Pourquoi ça? Parce qu'ils vous auraient pas invité. Ta parole, bêta! Je sais bien qu'ils ne m'auraient pas invité, mais je les aurais vus tout de même. Mais comment ça? Comment? Est-il novice? Eh bien, et ça, à quoi ça sert-il? Un vilebrequin? Ça sert à faire des trous. Justement. Et quand une personne m'intéresse, je me ménage un œil. Non. Parfaitement. J'ai eu comme ça les plus jolies femmes de Paris. À l'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Le garçon! Ouais, le garçon! Voilà, monsieur. Monsieur, attends quelqu'un? Ah, je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant où la jolie madame sera très bien. Non, merci, je n'attends personne. Non, je suis monsieur Paillardin, l'expert désigné par le tribunal de commerce. Ah, parfaitement, monsieur. Oui. Pour la chambre hantée. Ah, monsieur, c'est un véritable ensorcellement. Tenez, boulot, on sonne là-haut, allez donc voir. Oui, j'y vais. Oui, monsieur, toutes les nuits, c'est un vacarme épouvantable. Les murs craquent, les meubles sautent. Oui, c'est bon. Puisque je viens ici pour constater, je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez. Je constaterai bien par moi-même. Voyons, où est-elle, cette chambre? C'est celle-ci, monsieur. Ah. Si monsieur veut me permettre d'allumer un bougeoir. Eh bien, allons-y, voyons cette chambre ensorcelée. Voilà, monsieur, j'aime mieux que ce soit vous que moi qui y passiez la nuit. Ah ben, si je ne cours jamais de plus grand danger que ça, j'en risque pas grand-chose. Eh ben, elle a l'air très calme. Pour une chambre où les esprits viennent faire leur cabriolet. Ah, elle est calme à cette heure-ci. Ah oui, c'est l'heure où les esprits sont sortis. Mais à minuit, aussitôt que tout est éteint, ils font un plein potin. Oui. Heureux, c'est ce que nous appellerons les esprits shelter. Monsieur l'expert plaisant, mais monsieur l'expert verra bien. Mais dites donc, on a l'air de faire du bruit là-haut, hein? Est-ce que ce sera déjà les esprits? Non, monsieur, non, c'est des commis du printemps qui sont avec leurs commis. Ils sont pas toujours raisonnables, ces jeunes. Je vais aller les faire taire. Et ça, allez. Voyons. Mes cigares. Mes brosses. Dites donc, on n'est pas bientôt fini là-haut. Zut. Zut. Attendez un peu, je vais monter. Pardon, garçon. Dans un instant, monsieur, je suis à vous dans un instant. S'épinglait un énorme cigare à la bouche. Il porte le sac de Marcel. Dans un instant, il est à nous dans un instant. Oh, je crois que nous sommes tombés dans un hôtel bien tranquille. Mais il est horrible, votre hôtel. Où avez-vous été le dénicher? Ah oui, évidemment, il n'a pas d'œil. Mais c'est juste ce qu'il nous faut. Dans un hôtel chic, nous risquions d'être connus, tandis qu'ici, ce serait bien la guigne si nous rencontrions quelqu'un de connaissance. Oh, oui, c'est juste. C'est Paillardin qui éternue. Dieu vous bénisse. Merci. Y'a pas de quoi. Et puis, qu'importe l'hôtel, il me paraît beau puisqu'il me réunit à vous. Prestige, ça sent le plomb ici. Mm-hmm. Ah, voilà le garçon. Me voici aux ordres de monsieur. Ah, je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant où la jolie madame sera très bien. Ah, elle est bien mignonne, monsieur. Oh. Bien mignonne. Dites donc, garçon, en voilà des familiarités. D'abord madame et ma femme. Non. Si. Non. Si. Non. C'est monsieur qui porte les paquets. Oh. Ah, comme il est physionomiste. Dites-moi, garçon, avez-vous quelque chose à cet étage-ci? Oui, monsieur, le 10. Ah. C'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne est venue faire son voyage de noces avec son premier chambellan. Oh. Ah, mais c'est parfait, ça. Vous voyez, c'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne... Vous voyez qu'on soit des gens très bien. Hein. Voilà, monsieur, vous ne serez un peu mieux... La chambre est confortable. Vous avez là un cabinet attenant à la pièce. C'est quelque chose très appréciable. Oh, oui, c'est très bien. C'est même, je prends cette chambre. Bien, monsieur. Marcel. Chut, le garçon. Oui, oui, oui. C'est bien, garçon. Je prends la chambre. Voilà. Bonsoir, monsieur. Madame. Oui, bonsoir, bonsoir, garçon. Bonsoir. Marcel. Oh. Voici la clé, monsieur. Ah. Tous mes souhaits, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Monsieur sort. Oui, oui, oui, il est encore trop tôt pour que je me couche. Je vais jusqu'au café voisin boire un bock et puis j'en reviendrai dans une demi-heure. Bien, monsieur. Monsieur retrouvera là son bougeoir. Ah ouais. Marcel. Pinglet. Oh, pas Pinglet. Désormais, je ne suis plus Pinglet pour vous. Appelez-moi Benoît. Si vous voulez, Benoît. Oui, oui, Benoît. Oh, Marcel, l'heure de la vengeance a sonné. Marcel, dans mes bras. Mais prenez garde, vous allez me brûler avec votre cigare. Ah oui, oui, pardon, attendez, attendez. Marcel, je t'adore. Mais, oh, mais faites-moi attention, vous me faites avaler votre fumée. Oh, pardon. Vous ne pouvez pas acheter votre cigare? Mais, c'est qu'on me l'a compté 40 sous, j'aurais bien voulu le fumer jusqu'au bout. Oh, alors. Non, mais non, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. En amour, je ne regarde pas à l'argent. Mais ma robe, hein? Comment la trouvez-vous? Toutes les robes vous vont, et aucune encore mieux. Oh, oh, pingle. Ben vous voyez, on me l'a apportée ce soir même de chez la couturière, et vous êtes le premier pour qui je la mets. Oh, qu'importe la robe, est-ce qu'on garde l'écrin qui renferme le diamant? Oh, Marcel, je ne vois que toi, je ne vois pas ta robe. Pour moi, tu n'as pas de robe. Oh. Je te veux, je te veux. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous prend, pingle? Monsieur Benoît, je vous en prie. Oui, je te dis que je te veux, je te dis que je te veux. Non, mais qu'est-ce que vous avez? Je vous ai jamais vu comme ça, le voyons Pinglet. Monsieur Benoît, le champagne vous monte au cerveau. Oh, je ne sais pas ce qui me monte au cerveau, c'est toi, c'est ce dîner, oh. Ces vins, ces liqueurs, ce cigare. Oh. Oh, dis-moi, ma femme qui disait que je ne pouvais pas fumer, que je ne pouvais pas boire de vin, que ça me rendait malade. Non, mais regarde, regarde-moi, regarde-moi si je suis malade. Je te veux, je te veux. Il s'assied tenant Marcel dans les bras. La chaise se casse. Oh, oh, oh là là. Oh là, oh, mais, oh, oh, oh, que c'est bête, que c'est bête. Vous êtes drôle comme ça. Et ben voilà, ça y est, je suis ridicule, moi, c'est... Vous n'êtes pas fait mal au moins. Moi, non, pas du tout, pas du tout. Hein? J'ai fait exprès. Ah, la sa chaise, ils n'en ont aucune. Elle peut au moins être solide. Il jette la chaise sur le palier. Hey, tiens, toi. Allez donc prendre maintenant, Marcel. Si vous vous étiez vu. Je vous en prie, Marcel, ne riez pas comme ça, voyons. Vous étiez tout petit, tout petit. Non, oui, enfin, mais je vous assure qu'il n'y a rien de visible. Oui, madame. Oui, vous avez raison. Oui, oh, ma chère Marcel. Tiens, tiens la chaise du 10. Qu'est-ce qu'il a apporté là? chambre était occupée, j'en rapportais cette chaise. Ah non, moi je l'ai assez vue, cette chaise. Et vous aussi, allez, remportez-la, cette chaise, remportez-la. Mais monsieur, elle appartient à cette chambre. Oui, eh bien, remportez-la, allez-vous-en. Oh. Elle est gentille, la petite dame. Et je suis curieux, oui. Mais au fait, pourquoi pas le vilebrequin. Mais oui. Boulot. Voilà. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'éprouve, moi? Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas. J'ai une transpiration froide qui me monte à la tête. Oh? Oui, non, mais ça. Non, ça doit être l'émotion. Ça ne sert à rien. Oh, Marcel, nous voilà donc seuls, tous les deux, en tête à tête. Oh, je voudrais que vous puissiez voir ce qui se passe en moi. Oh, je sens que mon cœur. Que mon cœur. Oh mon Dieu, mais. Mais il tourne, mon cœur, moi. Mais vous êtes tout pâle. Oh, mais oui. Aglaé, Benoît, mon ami. Oh, mais je suis malade, moi. Je suis malade. Ah, asseyez-vous, mon ami, asseyez-vous. Oui, non, mais. Oui, où ça? Il n'y a plus de chaise. Ah, allez, là, sur la table. Oh, Marcel. Non, écoutez, croyez que je suis désolé de ce contretemps qui... Non, mais ça va passer. Oh, mon Dieu. Ouh là là là là. Attends, je vais vous donner un peu d'eau. Voilà. Eh ben voilà, c'est le cigare. Oh, je vous l'avais bien dit, le cigare, ça ne vaut rien, ça. Et puis le champagne, là, moi qui ne bois que jamais que de l'eau, là, mélangé à la fumée, ça... Oh là là. Oh mon Dieu, et ma femme qui n'est pas là. Mais restez loin-ci. Mais non, je peux pas, moi, il faut que je marche, sans ça, je... Oh, je sens que je vais m'en aller. Oui, avec moi. Non, tout seul. Je sens que je m'en vais tout seul, moi. Oh, j'ai tout. Vous enlevez votre veste. Oui, là, ma veste, voilà. Oh là là. Oh, Marcel, quelque chose me dit que je vais mourir ici. Non, ne faites pas ça. Elle lui éponge les tempes de son mouchoir qu'elle a mouillé. Boulot sur le palier a repris le vilebrequin. Après tout, Bastien le fait bien. Voyons, où vais-je faire le trou? Ah, là, ça a l'air très tendre. Pinglet est adossé à la cloison. Vous êtes bonne. Oh, c'est égal s'il se doutait là-dedans, mais il ne s'en doute pas. Là, ça va mieux. Pas beaucoup. Tiens, ça entre plus facilement. Je suis évidemment pas dans la pierre dure. Mais quoi? Oh, quoi donc? Qu'est-ce que vous avez? Mais je sais pas, c'est un picotement dans le bas des reins. Ah, c'est très bien, c'est le sang qui descend du cerveau. Quoi? Oh là là! Boulot retire son vilebrequin. Ah là là! Ça y est! Mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, j'ai éprouvé une douleur lancinante, comme si on m'avait perforé le... Quoi? Enfin, l'intérieur. Ah, mon Dieu, c'est peut-être une congestion cérébrale. Boulot regarde le bout de son vilebrequin. Tiens, c'est rouge. Oh là là. Ça doit être de la brique mouillée. Mais il faudrait peut-être envoyer chercher un médecin. Non, je voudrais seulement de l'air. Il s'étend avec le chapeau de Marcel. Et la tisane. Oui. Voyons, Pinglet ouvre pour appeler. Oui, garçon. Il tombe sur le dos de Boulot placé en travers. Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que monsieur avait appelé, alors j'écoutais. Garçon, le balcon, une terrasse. Une terre que je puisse enfin prendre un peu d'air. Au-dessus, monsieur, au bout du couloir et à droite. Ah bien. Vous apporterez une boule d'eau chaude pour monsieur. Oui, c'est ça, une boule. Vous m'attendez, n'est-ce pas? Oui. Oh, que je suis malade, que je suis malade. De la tisane, du thé, n'importe quoi. Voilà, mais c'est qu'à cette heure-ci, tout est fermé. Oh, attendez donc, chez le voisin qu'on vient d'expulser, oui. Tous les soirs, il faisait son thé. Il doit avoir tout l'attirail nécessaire. Mais allez vite, allez. Oh là là là là, mon Dieu, quelle aventure. Ah, voilà, madame, voilà. Je savais bien que je trouverais tout ce qu'il faudrait. Ah, bah c'est bien, mettez celle-là. Mais oui, madame. Mais dites-moi, monsieur va peut-être attraper froid là-haut, sur le balcon. Boulot allume la lampe à esprit de vin. Oh non, madame, il fait très doux. C'est plus comme ce matin où ça tombait à torrent. La pluie a complètement cessé, le temps est remis. Il fait un clair de lune. Super. Mathieu et ses quatre filles montent l'escalier. Alors, venez, mes enfants. Venez. Eh bien, le garçon, il n'y a donc pas de garçon ici. J'ai jamais vu un hôtel comme ça. On entre comme dans un moulin, si c'est comme ça qu'on est gardé. Enfin, nous voilà déjà au premier. Nous n'avons rencontré personne. Si nous étions des voleurs, des escarpes, des assassins, des cambrioleurs, nous pourrions piller, dévaliser, chambarder, saccager la maison. Et ni vu ni connu. À quoi sert donc leur timbre avertisseur? Oh, papa, on voit bien qu'il ne pleut plus. Ah, c'est égal. Je ne sais pas pourquoi Pinglet nous a recommandé cet hôtel, car il n'a rien de bien engageant. Et... Enfin, il est tard, nous y passerons la nuit. Mais m'est avis qu'il est inutile de faire monter nos mal demain nous déménageons. Oh oui, j'aime bien un hôtel chic. Oh, moi aussi. C'est bien, laissez-moi maintenant aller préparer la boule d'eau chaude. Bien, madame. Elle est vraiment gentille, la dame ou monsieur malade. Ah, le garçon. Ah. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une pension. Ah, non, mais dites-moi, garçon, d'où venant de la part de monsieur Pinglet. De monsieur Pinglet, oui, parfaitement. Je ne connais pas du tout, mais ça ne fait rien. Mon ami, il me faudrait des chambres pour mes filles et pour moi. Ses filles? Oui. C'est vos filles? Ah oui. Il n'y a que les lapins pour en avoir tant que ça. Eh bien, voyons, alors qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Dame, monsieur, j'aurais jamais assez de chambres pour... Hein? Oh, quelle idée, la chambre hantée. On peut jamais arriver à la louer. Eh bien, monsieur, si vous n'êtes pas trop exigeant, j'ai peut-être quelque chose pour vous en attendant. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Montrez-moi ce quelque chose. C'est ici, monsieur. Ah, bon. Tenez, monsieur, c'est cette grande chambre-là. Mais c'est un dortoir. N'avons pas autre chose, monsieur. Ces demoiselles sont quatre, il y a justement cinq lits. Mais je ne peux pas coucher dans la même chambre que mes filles. Ouais. Monsieur, en vous couchant d'abord et en fermant les rideaux quand ces demoiselles se couchent, il y a justement deux cabinets de toilette. Oui, voyons. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, garçon? S'il n'y a que ça, nécessité n'a pas de loi, hein? À l'hôtel comme à l'hôtel. Ah, c'est votre bougeoir, monsieur. Pardon, monsieur. Merci. Et qu'est-ce que ça nous coûtera, notre dortoir? Monsieur, en raison des circonstances, parce que vous êtes envoyé par monsieur Chose, ça vous coûtera 7 francs par jour, tout compris. Ah, bon, c'est assez raisonnable. Oui. Ça, mais qu'est-ce que fait donc un glais? Eh bien, c'est bien, garçon. Alors, nous prenons cette chambre. Bien, voilà. Monsieur. Bonsoir, voilà. Monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Voilà. Bonsoir. C'est pas possible, je suis malade. Je commence à être inquiet. Elle se dirige vers la porte du palier. Mais il me faut une bougie pour mes filles. Lui aussi se dirige vers la porte du palier. Dites-moi, garçon. Dites-moi, garçon. Mais je ne me trompe pas, madame Payardin. Non, en effet. Oh, non, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance chez notre ami commun, monsieur Pinglet. Oui, le plaisir est pour moi, croyez-le bien. Tiens, ils se connaissent. Quelle charmante surprise. Oh, mes enfants. On ne pas. Mes enfants. Mais si, les enfants. Mais arrivez donc, madame Payardin. Oh mon Dieu, il crie mon nom. Elle s'appelle madame Payardin. Elle est petite, il ne manquait plus que ça. C'est madame Payardin. Madame Payardin, votre témoin. Madame Payardin, voilà, ça y est, il sait mon nom. Montez, merci, viens, merci. Votre thé? Mais comment, madame, vous habitez ici? Moi, non, enfin, c'est-à-dire que c'est mon mari qui a voulu. Oui, nous sommes en déménagement, oui, alors... Mais c'est charmant, nos deux chambres sont voisines. Madame Payardin, votre thé bouge. Qu'est-ce qu'il m'agace avec ça, madame Payardin? Madame Payardin, votre thé. C'est bien, merci, monsieur. Je suis désolée, mais vous voyez, mon thé m'appelle. Je ne vous en offre pas. Mais ça n'est pas de refus. Avec plaisir. Garçon, apportez des tasses. Oui, monsieur. Là, je ne pourrais pas m'en débarrasser. Allons, mes enfants. Allez, entrons chez madame Payardin. Oh, mon Dieu, la jaquette de Pinglet. Ah, c'est gentil ici, oui. Oui, c'est très gentil. Oui, allez, entrez, mes enfants, entrez. Marcel a fait disparaître la jaquette et le chapeau de Pinglet dans le cabinet de toilette. Tenez, asseyez-vous donc. Oh, c'est pas de refus. Mais ça manque un peu de chaise. Mais c'est très juste. Voilà les tasses. Ah, enfin. Ah ben, garçon, des chaises. Oui, monsieur, des chaises. Alors, mes enfants, allez, aidez le garçon. Voyons. Oh, mon Dieu, ne s'en vont pas, Pinglet qui va revenir. Ah, madame, si vous voulez me permettre, je vais verser l'eau dans la théière. Voilà les chaises. Voilà où il me conduit, Pinglet. Voilà où il me conduit. Je vais chercher la boule. Quelle boule? Bah, la boule du monsieur malade. Oui, bah allez. Oh là là, ils me font mourir. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, voilà. Ah bah, ça va mieux. Et à part ça, madame Payardin, ça va-t-il comme vous voulez? Mais oui. Allons, mes enfants, voyons, rendez-vous utile. Servez-le-t-il. Et notre ami Pinglet, est-ce que vous le voyez souvent? Très rarement. Oui, vous savez ce que c'est que les relations à Paris. Je suis assez liée avec sa femme. Ah, c'est oui. Pour ça que vous m'avez rencontré chez lui aujourd'hui. Oui. Pinglet arrive sur le palier. Je vais mieux. J'ai pris l'air, je me suis séparé de mon dîner. Je me sens tout ragaillardi. Pop. De sorte que vous le voyez rarement. Très peu. Oh, Pinglet. Les Mathieu. Je suis perdu. Mais comment sont-ils ici? Ce bon pinglet. Mais justement, nous parlions de vous. Oui, allez, oui, oui. Oh, que c'est aimable. Tiens, bonjour, madame Paillardin. Comment allez-vous? Justement, j'avais affaire dans le quartier, je passais, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à madame Paillardin. Oh, que c'est aimable à vous. La charmante sur vous. Ah oui, ah oui, en effet. Dites donc, vous vous promenez donc en manche de chemise? Oui. Non, je vais vous dire, un accro à ma jaquette. Ah. Je l'ai porté à côté chez un tailleur, et pendant qu'on me fait un point, je me suis dit, je vais aller présenter mes hommages respectueux à madame Paillard. Que c'est aimable, que c'est aimable. Très aimable, très aimable. Oh, une tasse de thé, monsieur Pinglet. Du thé? Oh, mais très volontiers. Du sucre, monsieur Pinglet. Mais très volontiers. Eh ben, si je m'attendais à prendre ici le thé avec les Mathieu... Vous aimez le thé très sucré, monsieur Pinglet? Pinglet continue à mettre du sucre. Oh non, très peu, très peu. Eh bien, on ne le dirait pas. Et à part ça, mon cher Pinglet, quoi de nouveau à Paris? Oh, la République, toujours. Oui, et votre femme va toujours bien depuis ce matin. Ah, mais très bien, très bien. La vôtre aussi? Oh, ça veut dire que je l'ai perdue depuis 8 ans. Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai. Oh, croyez bien que... Bon, enfin, passons. Ils sont incrustés. Oui, ils ne s'en iront pas. Monsieur, voilà votre boule. Bon, allons, bon. Dans le maladroit. Oui. Comment votre boule, vous jouez aux boules? Oui, parfaitement. Non. Enfin, chaque fois que je viens dans cet hôtel, je commande une boule. Ah! Ah oui, alors, elles sont renommées ici, les boules. Ah, elles sont nommées. Ah. Comment, vous ne saviez pas? Non. Alors, ma femme m'a dit, si tu passes par l'hôtel du libre-échange, rapporte-moi une boule. Ah bon? N'est-ce pas, madame Paillardin? Oui. Comment, monsieur, mais... Oui, c'est bon, ne vous demandez rien, vous. Allez-vous-en. Ah, bien, monsieur. Ah, eh ben, maintenant, je vois que vous êtes fatigué. Oui, elle est fatiguée. Je ne veux pas abuser de vos instants plus longtemps. Permettez-moi de prendre congé de vous, madame. Oh, monsieur, croyez bien que... Ben, vous êtes fatigué, mais que ne le disiez-vous? Allons, mes enfants, regagnons nos chambres. Il ne faut pas être indiscret. Oui, je savais bien que ça les ferait filer, moi. Madame, au revoir. Et bonne nuit. Bonne nuit, merci. Eh ben oui, c'est ça, partons. Mais faites donc attention, voyons. Je descends pour leur donner le change et je reviens. Attendez-moi. Ah oui, nous sommes dans une jolie situation. Alors, au revoir, mon cher Pinglet. Hein. Bien des choses à madame Pinglet. Mais je n'y marquerai pas. Au revoir. Oh là là là là. Non, j'en ai assez. Quelle leçon, mon Dieu, quelle leçon! Bonsoir, papa! Bonsoir, les enfants, bonsoir! Nous allons nous déshabiller! C'est ça! Voilà votre cabinet de toilette! Chut! Ne faites donc pas tant de bruit! Il y a des gens qui dorment! Je ne veux pas rester une minute de plus dans ce maudit hôtel. Et dès que Pinglet remontera... Ça va être bon de se coucher. Où est mon chapeau? Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Ah, quand on a voyagé dans la journée... Tiens, est-ce que je l'aurais laissé par là avec les affaires de Pinglet? Je crois que nous serons très bien ici. Ça a un petit air vieillot et honnête qui me plaît beaucoup. Il aperçoit la trousse de Paillardin. Oh, matin! Quel luxe de service de toilette! Des peignes en écaille, des brosses en ébène, avec le chiffre de l'hôtel. H.P. H.P. Oui, H, je comprends bien, ça veut dire hôtel, mais P, comment ça peut-il faire libre-échange? Bon, c'est peut-être le nom du propriétaire. Bon, peu après tout, ça m'est bien égal. Je ne sais pas pourquoi on apporte ses affaires, on trouve tout maintenant. Les hôtels de Paris avancent vraiment sur la province. Avant de me coucher, je vais fumer un cigare. Ils ne représentent pas beaucoup, mais ils sont assez bons. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte de cigares? Oh, non! Alors ça, c'est incroyable! Regalias, 80 centimes. Ouh, mais j'aime mieux cela, moi! Oh, quel hôtel! Oh, pour 7 francs par jour, une boîte de cigares toute pleine à discrétion! Oh, c'est merveilleux! Il a eu joliment raison, Pinglet, de me recommander cet hôtel. Ça tient du miracle impossible de mettre là-bas sur mon chapeau. Oh, il est exquis, ce cigare. Je sais vraiment pas comment ils peuvent retrouver leurs frais, moi. Pinglet, qu'est-ce qu'il fait, Pinglet? Il ne revient pas. Oh, la chemise. Jusqu'à la chemise de nuit et des pantoufles. Mais il pense à tout. C'est admirable, je vous dis. C'est admirable. Ah, lui. Venez, voyons. Pinglet tient sa boule sous le bras. Voilà. Ben moi, il me manque qu'une chose, c'est une boule. Je vais dire au garçon de m'en apporter une. Eh ben, dépêchez-vous, venez. Mathieu passe sur le palier, son bougeoir à la main. Oh ! Marcel referme brusquement la porte de sa chambre. Mathieu ! Comment ? Vous ? Oui, c'est pour vous. Et ? Tenez, justement, je remontais parce que je voulais vous dire... Quoi donc ? Voilà. Oh, mon Dieu, c'était pas très pressé. Mais enfin, puisque j'étais là, n'est-ce pas ? Évidemment. Oui, eh ben, j'étais en bas et j'ai entendu des gens qui disaient que... Il paraît que ça a été très chaud à la chambre aujourd'hui. Ah. Ah, oui, on a interpellé le gouvernement pour la question du budget. Ah, toujours cette grave question du budget. Et il paraît que le ministère a été à deux doigts de sa chute. Oui. Ah, oh, où allons-nous, mon Dieu, où allons-nous? Alors, je me suis dit, ça peut peut-être intéresser ce brave Mathieu, et immédiatement... Moi? Je voulais que ça me fasse. Ah bon, ça ne vous fait rien? Eh ben alors bonsoir, je m'en vais. Ah, bonsoir. Mais vous savez, je vous remercie tout de même. Ah, mais de rien. Voilà. Rentrez chez vous. J'attends le garçon pour qu'il me donne une boule. Vous m'avez dit que c'était la renommée. Une boule? Ah oui, une boule. Ah ben non, tenez, prenez la mienne. Jamais de la vie. Je craindrais de vous en priver. Mais ça ne me prive pas, voyons. Non, et puis elle est froide. Non, j'en prendrai une autre en passant. Oh, vous êtes trop aimable. Mais non, ça ne fait rien. Allez, rentrez. C'est ça. Bonsoir. Il reste sur le pas de la porte en fumant son cigare. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Un crampon va... Bonsoir. Il disparaît dans l'escalier. C'est un charmant garçon. Oh, Christi. Moi, j'oublie ma bougie, moi. Il repasse sur le palier et se trouve face à face avec Pinglet. Comment? C'est encore vous? Oui, j'avais oublié de vous serrer la main. Il lui serre la main et redescend l'escalier. Bonsoir. Mathieu rentre chez lui. Pinglet en profite et vivement s'élance chez Marcel. Ah! Eh ben, je vais me déshabiller. Ouf! Enfin, vous voilà, j'ai cru que vous n'en finiriez pas. Mais, ma chère amie, j'ai eu à me débarrasser des Mathieu, si vous croyez que c'est commode. Ah oui, parlons-en des Mathieu. Non, mais croyez-vous, ces gens-là choisirent juste cet hôtel quand il y en a tant d'autres? Croyez-vous que nous avons de la guigne? Oui, c'est bien. En attendant, mettez votre jaquette, votre chapeau et partons. Ah oui, mon chapeau, ma jaquette, où ça? Ben là, dans le cabinet. Ah oui. Et puis mon chapeau, qu'est-ce que vous avez fait de mon chapeau? Comment votre chapeau? Mais votre chapeau, il doit être ici. Mais où? Ah mais je sais pas où. Quand vous l'avez ôté, moi je l'ai mis sur ce lit. Ah, attendez, je me souviens. Quand je suis monté à l'étage supérieur, je l'avais dans les mains. Je l'ai oublié là-haut. Ah, ça vous fait rire, hein? Vous n'en faites jamais d'autres. Vous l'avez laissé là-haut comme c'est malin. D'abord, est-ce que vous aviez besoin de l'emporter? Eh ben non, courez le chercher, je vous attends. Ah oui. Eh bien, attendez-moi. Oui, eh ben allez, dépêchez-vous. Oh là là. Oh! Oh! Mais où allez-vous? Mais je sais où! Ah, ça va bien. Non, j'en ai assez de cette tribulation-là, j'en ai assez. Ah, bon, encore quelqu'un. C'est monsieur l'expert. Mon Dieu, oui. Monsieur l'expert va se coucher. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Vous avez mon bougeoir? Voilà, monsieur l'expert. Ah. Messieurs les esprits n'ont pas encore signalé leur présence? Pas que je sache, monsieur l'expert. Tu as de regrets? Fais le matamor. Il suit Paillardin dans la chambre déjà occupée par Mathieu et ses filles, qui sont dans les cabinets de toilette. Eh bien voilà! Ah! C'est une chambre hantée, ça. Ça n'en a pas l'air, mais c'est une chambre hantée. Allons. Eh ben, j'espère que si les esprits sont un peu hommes du monde, ils feront pas trop de bruit pour me laisser dormir. Et que les esprits vous entendent, monsieur l'expert. Eh oui. Tiens. Eh ben, mes cigares. Monsieur l'expert. Je dis mes cigares. La boîte était pleine tout à l'heure. Et il en manque la moitié. Hein? Où sont-ils passés? Je ne sais pas, monsieur. Comment, vous ne savez pas? Enfin, ils ne sont pas partis tout seuls. Je vois ce que c'est, monsieur. C'est les esprits. Ah ouais, toi, tiens, vous me faites rire avec vos esprits. Des esprits fumeurs. Mais pourquoi pas, monsieur les biens? Mais tenez, et mes peignes et mes brosses, hein, tous en dessous. Vous voyez bien, monsieur, vous voyez bien. Oui, je commence à être défié sur la nature des esprits qui viennent ici. Quelques malins qui rançonnent tout le monde sous le couvert de leur venin. Il n'a pas de croyance, cet homme-là. Ah, c'est bien, laissez-moi. Je m'expliquerai demain avec votre patron. Bien, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce que je donnerais pour que les esprits lui flanquent une bonne tripotée à celui-là. Non, il y a un filou ici, c'est clair, ça, il y a un filou. Tiens, ils ont même laissé des cheveux après ma brosse. Pinglet redescend l'escalier. Rien, j'ai eu beau chercher. Qu'est-ce qu'a pu devenir ce chapeau? Paillardin regarde sur le lit. Eh bien, et ma chemise? Et mes pantoufles? Ben, c'est ça. Ben voilà, ils m'ont chauffé ma chemise et mes pantoufles. Marcel va me faire une scène. Eh bien, tant pis, je vais lui avouer la vérité. Ah. Eh bien, je vais me coucher tout habillé. Comme ça, s'il se passe quelque chose, je serai plus vite debout. Paillardin s'étend sur le lit et se met à lire. Ah, vous voici. Eh bien, mon chapeau. Marcel, du courage. Pourquoi? Je ne l'ai pas trouvé. On l'a pris. Qui? Ben, il n'a pas laissé son nom. Oh, c'est charmant. Enfin, heureusement, j'ai ma dentelle que je peux mettre sur ma tête. Nous allons partir immédiatement. Oh, c'est ça, partons, j'avoue, j'en ai assez. Mais moi, t'as de leçon, mon Dieu, de leçon. Ils disparaissent dans l'escalier. Oh, je suis éreinté. Mes yeux se ferment. Oh, je sais pas ce que j'ai, mais je vais dormir. Pailleur d'un bail. Il éteint la bougie. Obscurité. Ah, mon Dieu! Marcel remonte l'escalier suivi de Pailleur. Elle veut se remarier avec Victoire, oui. La femme de chambre. Sauvons-nous! Oh, mon Dieu, qu'elle va! Ferme la porte, vite. Mais la clé, où est la clé? J'ai pas la clé. Je ne sais pas, ça ne fait rien, fermez tout de même. Mais sans la clé, je ne peux pas. Attendez, y'a rien à dire. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Victoire, des livres à la main, Maxime, une serviette sous le bras, sont précédés du valet de chambre. Tenez, monsieur, par là. Mademoiselle, c'est bien grave ce que nous faisons là. Oh, bon, laissez donc. Ah, je vois ce qu'il faut à monsieur et à madame. Un petit nid charmant où la jolie dame sera très bien. Ah, elle est bien mignonne, monsieur, bien mignonne. Ah oui, vous croyez que... Je recommanderai à monsieur et madame le 9. C'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne a fait son voyage de noces avec son premier chambellan. La chambre d'une princesse? Oh, mais madame, vous êtes dans un hôtel très bien. Oh oui, je sais, oui. Nous avons lu le prospectus. Eh ben, c'est ça, nous prenons le 9. C'est très bien. Mademoiselle, le garçon, là, il rit en me regardant. Ah oh, bon, laissez-le rire. Si monsieur et madame veulent entrer... Oui. C'est mademoiselle, moi, vous savez, je ne sais pas très bien où je m'engage. Oh, oui, c'est bon, allez. Heureusement que j'ai repassé mon Descartes. Paillardin s'est endormi. Les petites Mathieu, en chemise de nuit, sortent du cabinet de toilette. Oh, enfin, on va se coucher, mais c'est pas trop tôt. Moi, je prends celui-là. Oui, mais moi, je prends celui-là. Non, il est pour moi. Non. Allons, faites donc pas tant de bruit, papa l'a défendu. Oh, que ça va être bon de se mettre dans ses draps. Oh, c'est froid. Tiens, avant de me coucher, je vais pincer mes papillotes. Oh, c'est une idée, ça. Bastien sort du 9. Bonsoir, monsieur, madame. Il disparaît par l'escalier. Passe pas la bougie. Elle se dispute la bougie qui s'éteint. Oh, allez, voilà le bougeoir par terre, maintenant. Est-ce que t'es maladroite, alors? Elles allument leur lampe à esprit de vin. Oh, regardez donc, les lampes à esprit de vin. On dirait des feux follets. Rappelle Robert le diable. Nonne qui reposait sous cette froide pierre, m'entendez-vous? Relevez-vous. Paillardin se réveille épouvanté. Oh mon Dieu! Des âmes! S'enfuit dans le cabinet de toilette. Des revenants! C'est des revenants! Au secours! Au secours! Victoire et Maxime accourent. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Au secours! Monsieur Paillardin! Mon oncle Paillardin! Maxime se réfugie au neuf, victoire dans les rideaux du lit de Mathieu. Il y a des esprits ! Il y a des esprits ! Mathieu sort du cabinet où ses filles restent cachées. Qu'est-ce que vous chantez ? Il y a un homme ? Oui, et où ça, un homme ? Dans, dans le lit, un homme ? Il entre-ouvre les rideaux et aperçoit Victoire. Oh, pardon, madame. J'appelle ça un homme. C'est une femme. Mais qu'est-ce que vous me chantez, voyons ? C'est pas un homme, c'est une femme. Maxime sort de la chambre de Gervais. Bon, donc, il est parti, il faut que j'aille voir ce que Victoire dans cette chambre. Personne. Victoire sort des plis des rideaux du lit. C'est Maxime, par ici, monsieur. Mathieu sort du cabinet suivi de ses filles. Mes enfants, venez voir. Maxime et Victoire se cachent. Mais enfin, papa, je t'assure que vous l'avez bien vu, c'est un homme. Moi aussi, je l'ai bien vu. Et que diable, ce serait malheureux si à mon âge, je ne savais pas distinguer un sexe. Victoire file sur le palier. Parbleu, mais je savais ce que je disais, vous voyez bien que c'est une femme. Maxime s'échappe à son cul. Oh, un homme et une femme. Oh là, j'en ai assez cet hôtel, moi. Filons. Mais nous en aurons le cœur net. Garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit? Garçon, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre chambre, nous trouvons des hommes et des femmes, je ne sais quoi. Comment, monsieur? Vraiment? Alors monsieur s'est aperçu? De quoi? Oh, j'ai pas osé le dire à monsieur. C'est la chambre hantée, monsieur. La chambre hantée? Eh oui, monsieur. Paillardin paraît en haut de l'escalier, descendant avec précaution. Tout ce que monsieur a pris pour des hommes et des femmes, c'est des esprits, monsieur. Ce sont des revenants. C'est des revenants! Mes enfants! Mes enfants! Allez, ce sont vos chevilles volontaires. Mes enfants! Mes enfants! Ah, quel fléau, mon Dieu, quel fléau! Pinglet sort du cabinet de sa chambre, suivi de Marcel. Mais que signifient ces cris et ce tumulte? Je vous assure qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la maison. Oh, je suis morte de peur, je vous en prie, allons-nous-en. Oui, mais attendez, pas d'imprudence. Oh, je ne serai tranquille que quand je serai hors d'ici. Attendez, personne. Venez. Ah, enfin. Ah, oh mon Dieu, mon Dieu, des revenants. Dieu, rentrez, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. Oh Dieu. Paillardin les a aperçus sans les reconnaître. Dieu, des êtres vivants, ouvrez. La porte cède. Pinglet est projeté dans la cheminée. Oh. Marcel s'empare du chapeau de Paillardin qu'elle enfonce jusqu'au cou. Mais mon chapeau, madame, mon chapeau. Au secours. Pinglet sort de la cheminée, la figure toute noire. Oh, un ramoneur. Pinglet lui envoie un coup de poing sur l'œil, puis lui allonge un coup de pied qu'il envoie sur le palier. Ah, oh, des esprits frappeurs. Les esprits frappeurs. Il disparaît par l'escalier. Ouf. Marcel, il est parti. Oh, quelle émotion, mon Dieu. Quelle émotion. Dieu, un nègre. Ah, où ça? Ah non, c'est moi, Pinglet. Pinglet, cette nuit sera cause de ma mort. Mon Dieu, que vous êtes noir. Oui, mais ça ne fait rien. Ah, mon Dieu, par quelles émotions nous venons de passer. Oh, enfin, heureusement que c'est fini. Nous pouvons respirer un peu. Ah oui. Ah là là, ça fait du bien. Ah oui. Ah, ça soulage. Ah oui, c'est bon. Oh. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Encore quelque chose? Ah mon Dieu, la police, la police, chauffez-vous, Vladimir. Les meurs. Quoi? Vladimir! Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, mais les meurs, c'est la police! Nous sommes perdus, c'est la police! Oh! Le commissaire! Ah! Arrêtez toujours celui-là! Mais allez. Oh non, mais messieurs! Oui, allez, tout à l'heure! Oh. Allez, vous, voyons, allons! Non, on n'entre pas! Eh bien, allons, voyons, enfoncez! Oh! Je suis perdu! Allons, avancez! Oh, la malheureuse! Avancez, madame! Dieu! Mais monsieur. Je ne sais pas ce que vous me voulez, je suis une honnête femme. Ah oui, monsieur, mais oui, madame est une honnête femme. Oui, mais c'est bon, on ne vous demande rien. Allez, agent, emmenez monsieur par là. Ah non, mais voyons. Allez, ça va. Maintenant, madame, à vous. Et vous savez pas l'histoire, hein. Veuillez me dire qui vous êtes. Mais monsieur, je ne comprends pas votre question. Je suis ici avec mon mari. Avec votre mari? Parfaitement, je suis la femme de monsieur, enfin du monsieur que vous venez de faire entraîner par là. Oui, parfaitement, madame, parfaitement. Et madame, serait-il indiscret de vous demander votre nom? Mais monsieur, ma foi, je n'ai que ce moyen-là. Eh bien, mais monsieur, je m'appelle madame Pinglet. C'est très bien. Voulez-vous introduire la personne qui est là? Oui, alors, allez, avancez tous, allez, voilà. Mon Dieu, la pauvre femme. Elle n'aura pas eu la présence d'esprit de ne pas dire son nom. À vous, monsieur. Qui êtes-vous? Oh, ma foi, je n'ai que ce moyen-là de la sauver. Mais, monsieur, je ne comprends pas votre question. Ma position est régulière. Et madame est ma femme. Ah, comment vraiment ce serait... Et vous vous appelez, monsieur? Mais comme madame a dû vous le dire, monsieur, je m'appelle monsieur Paillardin. Dieu! Parfaitement, c'est bien ce que je croyais. Je suis perdu. Je la sauve. Boulot, Bastien, Mathieu et ses filles paraissent suivis des agents en civil. Allez, hop! Le cabinet de Pinglet. La fenêtre est demeurée ouverte. La pendule sonne 7 heures. Pinglet, la figure toujours noire, paraît montant à l'échelle de corde et enjambant la barre d'appui. Il retire son échelle de corde, qu'il met sous son bras, et tombe assis sur le rebord de la fenêtre avec accablement. Il se relève presque aussitôt, va sur la pointe des pieds jusqu'à la porte et s'assure qu'elle est toujours fermée. Il va alors à la commode, qu'il ouvre et y renferme l'échelle. Puis il enlève rapidement sa jaquette, son gilet et son chapeau, qu'il va porter dans sa chambre. Il revient tout de suite, achevant de remettre un veston coin de feu. Il tire d'une des poches un madras qu'il noue sur sa tête, puis un second qu'il se met autour du cou. Là, comme ça, ma femme peut venir. J'ai bien l'air d'un monsieur qui se lève. Oh, quelle nuit, mon Dieu! Quelle nuit! Elle? Déjà? Ah non, d'ailleurs elle a la clé, elle ne frapperait pas. Qui est là? C'est moi, monsieur, Victoire! Victoire? Oh, la Martine! Encore une qui était cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Et pensez que je ne peux rien lui dire sous peine de me trahir. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, j'attends votre chocolat! Eh ben, entrez! Mais je peux pas, j'ai pas la clé! Parbleu, je le sais bien. Eh ben, allez la demander à madame, c'est elle qui l'a. Mais madame n'est pas rentrée, monsieur. Pas rentrée? Elle n'est pas rentrée, pristi. Sa sœur se sera trouvée plus malade et elle sera restée auprès d'elle. Mais bon, qu'est-ce faire? Ben, qu'est-ce que vous voulez, moi? J'ai pas la clé, moi. Attendons que madame soit rentrée. Bien, monsieur. Parbleu, je pourrais bien ouvrir. Mais alors, adieu mon alibi. Ouf, oh, quelle nuit tout de même, quelle nuit! Raflés comme des bandits, comme des voleurs! Tout ça parce que Marcel et moi, est-ce que ça les regarde? Du moment que le mari ne se plaint pas! Quoi? Qui est là? Pinglet, c'est moi! Mais qui, vous? Moi, Marcel! Ah, enfin! Vous êtes seul? Oui, ouvrez! Attendez! Tirez le verrou qui est de votre côté! Oui, attendez! Là, ça y est. Vite, entrez. Oh. Oh, Marcel, quelle nuit. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Oh, Pinglet, vous m'avez perdu. Mais non, je ne vous ai pas perdu. Oh. Non, après tout, notre cas n'est pas bien grave. Oh. Non, mais non, ce n'est pas parce que nous avons été surpris dans un hôtel tous les deux. Enfin, quoi, nous ne sommes pas des vagabonds. C'est des centres de police, ça n'est fait pour les vagabonds. Non, mais aussi, ce n'est pas cela que je crains. Mais vous savez ce que c'est que la police? Quand on est entre ses griffes, ce sont des recherches, des enquêtes, et alors, il peut tomber entre les mains de mon mari tel ou tel papier qu'il met au courant. Oh, Pinglet, qu'est-ce que nous allons devenir? Allons, voyons, voyons du courage. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a donné une petite timorée comme ça? Voyons. Oh, vous avez du noir sur la figure. Du noir? Eh oui. Moi? Oh, mais c'est vous qui m'avez mis ce noir. Tenez, moi? Venez voir près de la glace, là, vous ne voyez donc pas votre figure? Moi? Au nom d'un chien! Oh, c'est mon noir d'hier soir, ça vous prend. Mais oui, mon noir de cheminée! Eh ben, ça aurait été heureux pour faire croire à ma femme que je sors de mon lit! Oh, là, voilà, des tribulations! Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Après vous, la carafe! Attendez, voilà! Oui, quelle nuit, oui, ça c'est entendu! Mais enfin, quoi, ça aurait pu tourner plus mal! Ah oui, nous aurions pu passer la nuit au poste, comme les autres! Mais au lieu de ça, le commissaire a eu confiance en nous et il nous a rendu notre liberté provisoire. C'est parce qu'il a bien vu à qui il avait affaire. Eh oui, et puis aussi parce que je lui ai versé un cautionnement de 5000 francs. Dis-donc, est-ce que j'en ai encore du noir? Là, oui, un peu, près du nez. Ah oui, ben là. Vous avez versé 5000 francs? Eh oui, Je lui avais offert ma parole d'honneur ou un cautionnement de 5000 francs. Il a préféré le cautionnement. Ah. Oui, à la charge pour moi d'apporter aujourd'hui dans l'après-midi les pièces établissant votre identité. Ah, et bien voilà. Et comme vous ne pourrez jamais apporter des pièces établissant que vous êtes monsieur Paillardin, qu'est-ce qui arrivera? C'est que le commissaire, ne recevant rien de vous, viendra ici. Mais non, il ne viendra pas ici. Mais non, tenez, et pour ce faire, pas plus tard que tout à l'heure, j'irai chez le préfet de police. Le préfet de police? Parfaitement. Ah. Mais déjà cette nuit, pendant que vous rentriez chez vous tranquillement... Tranquillement. Ah non, tranquillement. Ça, c'est un rien. Non, non, pas tranquillement. Voilà, oh. Voilà. Et j'y ai été, moi, chez le préfet de police. Ah, et vous l'avez trouvé? Non. Il était au bal. Je l'ai attendu jusqu'à 7h. Et à 7h? À 7h, il était couché. Oh. Oui, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. J'y retournerai tantôt. Je le connais beaucoup. Vous? Mais oui, je lui avouerai toute la vérité. Comment? Vous irez lui dire? Oui, un préfet de police est un confesseur. Un confesseur laïque et gouvernemental. Oh, mais je n'oserai jamais le regarder en face. Eh bien, vous ne le regarderez pas. Je lui dirai qu'il s'agit de l'honneur d'une femme et. Il étouffera l'affaire. Vous croyez? Mais parbleu. Oh, comme il était plus simple de ne pas nous mettre dans ce cas-là. Ah! Oh, aussi cette idée d'aller dire qu'on s'appelle Monsieur Paillardin quand on s'appelle Monsieur Pinglet. Par exemple. Mais c'est vous, au contraire. Si vous n'aviez pas dit que vous vous appeliez Madame Pinglet quand vous vous appelez Madame Paillardin... Pardon! Si j'avais dit que je m'appelais Madame Pinglet, c'était pour faire croire que j'étais votre femme. Eh ben, moi, si j'ai dit que je m'appelais Monsieur Paillardin, c'était pour faire croire que j'étais votre mari. Mais voyons, mon ami, vous ne pouviez pas espérer faire croire au commissaire que votre femme s'appelait Madame Pinglet lorsque vous disiez, vous, que vous vous appeliez Monsieur Paillardin. Mais, ma chère amie, je ne pouvais pas deviner quand j'ai dit que je m'appelais Monsieur Paillardin que vous aviez dit, vous, que vous vous appeliez Madame Pinglet. Oui, ben, alors quand on ne sait pas, on ne dit rien. Oh non, ça, les femmes ont de ces logiques, alors. Quoi, qui est là? C'est moi, Paillardin. Oh, mon mari. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. Oh là là là là. Je ne peux pas t'ouvrir. Ma femme m'a enfermé. Elle a emporté la clé. Ah, diable. Bon, eh ben, écoute, sais-tu? Oui. Passe par le jardin. Prends l'échelle du jardinier et entre par la fenêtre. Bon, ben, c'est une idée. Mais vraiment, tu as de la bonté de reste de te laisser enfermer comme ça par ta femme. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, mon pauvre ami? Si jamais ma femme me faisait ça, mais elle s'y prendrait pas. Parce qu'elle sait bien que ça ne se passera pas comme ça. Ah, ah là là là là. Alors, je vais chercher l'échelle. Oui, c'est ça. Là, ouvrez-moi maintenant. Attendez. Les pas s'éloignent. Là, voilà, vous pouvez partir. Oh là là là là. Vous vous fermerez le verrou derrière. Ah oh, oui. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Oh oui, mon Dieu, quelle nuit. Eh ben, tu y es? Voilà, je monte. Mais prends garde de dégringoler, hein. Là, ça y est. Oh, quelle nuit, mon ami, quelle nuit. Oh, mais qu'est-ce que t'as sur l'œil? Oh là, là, je suis bien arrangé. Oui, oh, tu crois pas aux esprits, toi? Non. Oui, là, je n'y croyais pas non plus. Eh bien, mon ami, il faut y croire. Je les ai vus. Quoi, toi? Vu, te dis-je. Enfin, ce qui s'appelle vu. Oh, allons donc. Quoi, tu as vu les esprits, toi? Oh, il a vu les esprits. Oui, je fais le sceptique comme toi. J'étais à l'hôtel en faisant le malin, je disais, ça vient des fosses. Eh bien, rien du tout. J'étais pas endormi depuis une demi-heure dans la chambre hantée que je me suis réveillé, entouré de feux follets, avec des voix surnaturelles qui semblaient sortir d'apparitions blanches dansant autour de moi une sarabande effrénée. Et tout ça chantait. Oui, oh ben, rie. Tiens, je me rappelle encore de ce qu'il chantait. Écoute. Le royaume des fantômes. Alors, tu comprends, moi j'ai mis de côté toute fausse honte, j'ai pris mes clics et mes claques, et je me suis sauvé comme un perdu. Enfin, dans une chambre, je crois voir des êtres vivants. Cette chambre! C'était le 10. Le 10? Ben, je ne sais pas pourquoi le 10 plutôt qu'autre chose. Hein? Je sais pas. Mais, ah oui, enfin, pourquoi autre chose plutôt que le 10? Oui, enfin, mettons le 10. Je m'y précipite. Il y avait là une femme. Enfin, ou du moins. Quelque chose qui avait l'air d'une femme avec une robe et des... Enfin, j'ai pas pu voir sa tête parce qu'elle l'avait sous mon chapeau. Mais comment ça? Ah, ça, j'en sais rien, j'ai pas eu le temps de me rendre compte de rien. Mais sa robe! Ah, ça, sa robe, je la reconnaîtrai entre mille! Sapristi. Alors à ce moment, je te dis que ça tient du sortilège. Un ramoneur est sorti de la cheminée. Un ramoneur? Pourquoi? Comment? J'en sais rien, pas un ramoneur. De ta taille, à peu près. Oh non, beaucoup plus grand. Comment plus grand? Les ramoneurs sont toujours plus grands. C'est possible, j'ai pas le temps de mesurer. Ah, avant que j'aie pu me reconnaître, il s'est précipité sur moi. Et alors, voilà, j'ai reçu un coup de poing dans la figure, un coup de pied aussi. Ah, ben c'est sans doute le coup de pied qui t'a rangé l'œil comme ça. Ah non, ça c'est le coup de poing. Ah, hein, il m'a vu, cet hôtel, il m'a vu. Ah, mon ami, Dieu te préserve de passer jamais la nuit avec des esprits frappeurs. C'est qu'il a l'air d'y croire, ces revenants. Dis donc, alors ta femme, elle a cru à tes histoires de revenants? Ma femme? encore vue. Ah. Quand je suis rentré cette nuit, j'ai eu beau frapper à la porte, elle ne m'a pas répondu. Tiens, parbleu. Elle dormait comme un plomb. Alors, ouais, j'ai été couché dans la chambre d'amis. Oh non. Oh non. Tiens, on dirait la voix de Maxime. La voix de Maxime. Mais oui, c'est lui. Toi. Mais comment n'es-tu pas à ton collège? Bah, je vais vous dire, mon oncle. Tiens, monte à l'échelle. Oui. Bonjour, monsieur Pinglet. Bonjour, mon oncle. Qu'est-ce que vous avez donc à l'œil? Tiens. Ouh, mais tu n'as rien de l'œil, toi. Dis un peu. Pourquoi n'es-tu pas à ton collège? Bah, je vais vous dire, mon oncle. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Hier soir, il faut croire que j'avais oublié le matin de remonter ma montre. Je me suis trompé d'heure. Et quand je suis arrivé au collège, la porte était fermée. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis là? T'as dû faire quelques blagues, toi. Moi? Oh, mon oncle, moi, des blagues, je suis trop sérieux. Le bon farceur, il était avec Victoire à l'hôtel du Libre-Échange. Alors, pourquoi n'es-tu pas rentré directement ici? Bah, bon, parce qu'il était trop tard. Et comme vous n'étiez pas ici, bah, j'ai eu peur d'inquiéter ma tante. Mais alors, où as-tu passé la nuit? Mais au Continental, mon oncle, au Continental. Bien sûr. Oh, mon oncle, il ment comme un arracheur de dents, le philosophe. Alors, ce matin, quand je me suis présenté à Saint-Nicolas, au collège, le professeur m'a dit qu'il ne me recevrait qu'avec une lettre de vous. Non, c'est bien. Nous verrons ça. C'est encore heureux qu'il ne m'ait pas reconnu à l'hôtel, parce que... Henri! Tiens, ma femme qui m'appelle. Voilà, cher ami! Bien, ouvre! Mais je ne peux pas, la porte est fermée! Et c'est madame Pinglet qui a la clé. J'ai dû rentrer par la fenêtre. Alors, je suis là, avec Pinglet. Ah! Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Pinglet. Et comment ça va-t-il ce matin, madame? Vous avez bien dormi? Oh, c'est vous ça, j'ai passé une nuit bien agitée. Allons, ça va bien. Ah ben, à propos de nuit agitée, c'est moi qui en ai pensé une nuit agitée. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Non, quoi non? Wouh, c'est à n'y pas croire. Tu sais, l'hôtel du Libre-Échange. Non, je ne connais pas. Je sais bien que vous ne le connaissez pas, c'est un hôtel borne. Ah. Comment le connaîtriez-vous? Évidemment. Alors, pour en revenir à cet hôtel, je... Oh, mais ça prestire, c'est... C'est pas commode de parler comme ça à travers la porte. Dis-moi, attends-moi, le temps d'enjamber la fenêtre et de faire le tour par le jardin, je te rejoins. Ah, bien, dis, tu permets, hein? Oui. Nous sommes quittés fâchés hier soir, non? Je veux faire la paix avec ma femme. Oui, c'est ça, va, mon vieux. Allez, tiens, allez, décroche d'autre, toi. Oui, voilà, voilà. Oui, mon oncle, oui, mon oncle. Voilà. Laisse-moi descendre. Là, tu descends pas avec moi, toi? Moi? Ah, non, moi, je reste, mon vieux, je reste. Ben, merci, et mon alibi, moi. Eh, oh, dis donc, retirez l'échelle. Retirez l'échelle. Mon mari est parti? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, rien, il ne sait rien, tout va bien, il ne se doute de rien. Oh, merci, mon Dieu. Oh, seulement, au nom du ciel, votre robe de cette nuit, c'est tout ce qu'il a vu de vous, c'est le seul indice qu'il est. Déchirez-la, brûlez-la, donnez-la, mais pour rien au monde qu'elle ne lui tombe sous les yeux. Dieu, vous faites bien de me le dire, je vais la donner tout de suite. Viens, dans ta tête, voilà qui m'en dit. Disparaissez de ciel. Oui, le verrou, mettez le verrou. Allons. Tout va bien. Mais avec ça, moi, je commence à m'embêter ici, moi. Ah ça, mais est-ce que ma femme ne va pas bientôt rentrer et me donner la clé des champs? Je veux bien que sa sœur soit malade, mais en fait, elle devrait penser que je suis enfermé. Monsieur! Oui, c'est vous, Victoire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépêche pour monsieur. Ah, passez-la sous la porte. Voilà, monsieur. Merci. Ça, c'est probablement de ma femme. Ah non, c'est de sa sœur. Sommes très inquiets. Angélique devait venir dîner. Avons attendu vainement. Comment attendu vainement? Serait-elle malade, télégraphiée? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma femme n'a pas été chez sa sœur. Ça, voyons. Enfin, hier soir, elle est bien partie pour... Alors, où a-t-elle été? Mais... Est-ce qu'on me l'aurait enlevée sur la grande route? Oh non, à cette époque, les actes d'héroïsme sont trop rares. Mais alors... Mais... Madame Pinglet, de son côté... Madame Pinglet ferait ses farces. Non, allons donc chez les aveugles, alors. Pinglet! La voilà. Je savais bien que je l'avais pas égarée pour longtemps. Et elle chevrotte. Oh là là. Bon, allons sortir de notre lit. Oh, Pinglet, mon ami. Benoît. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Benoît, où es-tu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, mon Jésus! Viens, je suis vivante! Ah bon? Oh mon Dieu, quand tu sauras ce qui m'est arrivé, à quelle catastrophe j'ai échappé pendant que lui reposait ici tranquillement. Oh. Et bon, voyons, Benoît! Eh ben voilà. Oh, Benoît! amoureuse d'autre fois. Mais moi aussi, à propos de quoi? Oh, Benoît, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Voilà un refrain que je connais. Oh, mais dis, mais regarde-moi donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, que tu as l'œil poché. Oh, Pinglet, Pinglet, tu peux bien dire que tu as failli me perdre. Vrai? Parole. Oh. Ça te fait de la peine. Oh, oui, oui, parce que c'est une chance que je ne retrouverai plus. Oh, mon ami, un accident épouvantable qui a failli te priver de moi à jamais. Oh, ne me répète pas ça, tu me crèves le cœur. Oh, Dieu est bon. J'avais pris un fiacre, comme tu sais, pour me conduire à Ville-d'Avray. Mmh. D'abord, tout allait bien. Nous marchions dans un bon petit train, tous les trois. Qui ça, tous les trois? Eh ben, le cocher, le cheval et moi. Ah. Quand subitement, au moment de franchir les portes de Paris, un coup de sifflet du chemin de fer effraie le cheval. Le voilà qui s'emballe. Oh, qu'est-ce que tu me dis là? Le cocher essaye de le retenir. Impossible. Et nous voilà, filant, franchissant l'espace, traversant la campagne. Et pas une âme. Et pas une pour venir à notre secours. Oh, oh, ma Benoît. C'est dans ces moments-là où l'on joue sa vie qu'on s'aperçoit combien on aime son mari. Oh, le croirais-tu, le seul être qui occupait ma pensée, c'était toi, toi qui ne risquais rien. Et je me disais, oh, mais si seulement il était là pour être moi. Mais oh, ben, tu as tes attentions, toi. Ah, mais malheureusement, tu n'y étais pas. Ouais. Alors, ma foi, j'ai perdu la tête, j'ai ouvert la portière et j'ai sauté. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et blanc, j'ai été donné de la tête sur un tas de cailloux. Oh, pauvre cher petit être. À partir de ce moment, je ne me souviens plus de rien. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'au petit jour, je me suis réveillée dans une chaumière de paysans, entourée de gens que je ne connaissais pas, mais qui semblaient heureux de me voir revenir à la vie. Oh, les braves gens! Je regrettais de n'avoir que 100 francs dans mon porte-monnaie. J'aurais voulu leur donner tout ce que nous avons. Mais c'est peut-être beaucoup, ça. Non, non, non, ils m'avaient sauvée. Ah, c'est bien ce que je dis. Enfin, ce matin, quand ils ont vu que j'allais mieux, ils ont fait atteler une espèce de voiture de maraîcher et ils m'ont reconduite jusqu'à la place de l'Étoile. Là, j'ai trouvé un fiacre qui m'a ramené et me voilà. Ah, c'est épouvantable. Oh, Pinglet, quand j'y pense maintenant, quand je revois cette scène, oh, où es-tu, ta pauvre femme. Ah, voyons, c'est pas le moment de pleurer. Enfin, tout de même, si tu m'avais perdu, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh ben, je ne me serais pas mariée. Va, allons, voyons. Madame, voilà le courrier. C'est bien posé, celle-là. Bon, eh ben, moi, je vais m'habiller. Ça va. Oh là là là là. Je me sens brisée. J'ai envie de prendre un bain. Oh, qu'est-ce que madame a? Madame a peut-être pas remarqué. Elle a l'œil tout noir. Comment j'ai pas remarqué? Elle en a de bonnes. Si, si, j'ai remarqué. Ah. Vous allez tout de suite me préparer un bain. Oh, oui, madame. Avec du son. Oui, madame. Ah, mais pas du son, nous n'en avons plus. Là, on a mangé tout ce qui restait. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste de l'avoine. Je parle pas pour l'âne, je parle pour moi. Ben, madame, il y a de l'amidon? Oui, ben, l'amidon, c'est ça. Bien, madame. Alors, voyons un peu ce courrier. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Commissariat de police? Qu'est-ce qu'il me vole? Madame, veuillez passer à mon bureau pour une affaire qui vous concerne. Et apportez vos pièces d'identité. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? À Madame Pinglet, qui a été surprise avec Monsieur Paillardin. Oh! Dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Moi? Moi, dans la descente... Alors, avec pas... Moi? Mais c'est faux! Mais c'est faux! Alors, voyons, j'ai mal lu, je n'ai pas le délire. Oh, allons, bon, voilà un bouton de ma bottine qui a sauté. Toi, eh ben, tu arrives bien. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que je me demande si je suis folle. Oh. Si je ne sais plus lire. Là-dedans, on me dit... Oh, c'est odieux. Tiens, lis. Non. Sapristi, du commissariat, déjà? Lui. Oh, que c'est embêtant. Madame Pinglet, qui a été surprise en compagnie de Monsieur Paillardin, dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Oui, moi, j'ai été surprise cette nuit avec Monsieur Paillardin. Oh, quelle idée! Malheureuse! Tu l'avoues! Hein? Tu as été surprise, toi, avec Paillardin! Comment? Comment il le croit? Comme non! Comme hier, madame! Oh, Pinglet! Ces canailles! vrai ce que je fais là, mais en politique, il faut être canaille. Et qu'est-ce que tu faisais avec Paillardin, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Mais rien, je t'assure. Quoi? C'est de la folie. Allons donc, la lettre est formelle. Que faisiez-vous? Allez, répondez, répondez, madame, répondez. Mais vous me faites mal. Vous me faites horriblement mal. Répondez. C'est affreux, mais tu ne peux pas pourtant vouloir que je te dise ce qui n'est pas. Non, tenez. Monsieur Assonné. Oui. Vous remettrez un bouton à ma bottine. Tenez, là, et t'as chez qui tienne, n'est-ce pas? Oui, monsieur, hein? Oui, monsieur. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font donc? Mais Saline! Et voilà la femme à qui j'avais placé toute ma confiance. Je la croyais, je me disais, c'est une femme acariâtre, assommante, mais c'est une femme fidèle. Eh bien, non, même pas, malgré son âge, même pas. Mais c'est faux! Je te répète que c'est faux! Ah, voilà donc pourquoi vous m'enfermiez, oui, pour vous livrer plus facilement à vos agapes amoureuses avec Palerbin, mon meilleur ami. Moi! Moi! Et où allez-vous, madame? À l'hôtel du Libre-Échange, à l'hôtel Banque de la rue de Provence. Mais j'en ai de la vie! Est-ce que je sais même s'il est rue de Provence? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est rue de Provence? C'est sur le papier! Ah bah tiens, non, ça n'y est pas. Ah, tu vois bien! Je t'assure que je t'ai dit de la vérité. Oh, oui. Ce qui m'était arrivé, ce cheval emporté, ces paysans qui m'ont recueilli. Ces paysans. Et où sont-ils, ces paysans? Eh ben, mais dans leur village. Dans leur village. Et où est-il, leur village? Mon Dieu, c'est vrai. Je ne sais pas. Ah! J'avais été entraîné si loin. Oui, j'aurais dû m'informer. Oui, oui. Mais la secousse avait été si grande que j'ai pas pensé. Oui. Pas pensé. Mais tiens, tiens, tiens. Paillardin, lui, puisqu'il est désigné avec moi, il pourra peut-être te dire, t'expliquer. Eh bien, soit, madame. Voyons. Eh bien, tenez, tenez, justement, le voilà qui traverse le jardin. Oh, mon Dieu. Paillardin! Paillardin! Ah, oui. Monte un peu! J'ai à parler. Ah, oui. Mais ce que tu as à me dire. Eh bien, monte, tu le sauras. Et vous, madame, quand votre complice sera là, pas un mot, pas un geste, n'interrompez pas le tribunal. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Vous qui savez la vérité, éclairez-le, justifiez-moi! Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Approchez, monsieur. Monsieur? Mais qu'est-ce qui te prend? Paillardin! Pas un, madame! Laissez parler la justice des hommes. Où m'avez-vous dit que vous étiez cette nuit? Mais à l'hôtel du Libre-Échange. Hein? 220 rue de Provence. Ah! Vous l'entendez, madame? Mon Dieu! Est-ce que j'aurais été frappée de démence? Ouais. Est-ce que véritablement j'aurais... Ah non, mais non, mais non, ce n'est pas, ce n'est pas! Ce mais n'est qu'est-ce qu'ils ont dans... Je n'ai pas... Et avec qui étiez-vous à l'hôtel du Libre-Échange, hein? Monsieur... Avec qui étiez-vous, monsieur? Seul! Seul! Allons donc! Vous y étiez avec madame, hein? Je sais tout, monsieur! Vous êtes l'amant de ma femme, moi! Là, vous voyez bien! Taisez-vous, madame! Oh, ça, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Oui, hein? Tu veux rire? Je veux rire. Oui. Tiens, lis. Quoi? C'est que là, est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. À Madame Pinglet, surprise, en compagnie de Monsieur Paillardin, oui. Dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Voilà. Moi? Oh, elle est drôle, elle est drôle. C'est une farce, hein, c'est une farce. Une farce? Est-ce que j'ai l'air de farcer, monsieur? Mais oui, vous m'avez persuadé que j'ai pu, moi, avec vous. Oui, comment? Oui. Moi, votre amant? Oui. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est drôle, écoute, ça c'est drôle, alors. Ne riez pas, monsieur. Oh, ça, voyons, c'est sérieux? Tu crois positivement que moi... Oui. Mais tu es stupide, tu sais, mais écoute, tu es stupide. Oui, non, n'essayez pas de vous en tirer par des impertinences. Oh, non, moi, l'amant de... voyons, écoute, mon vieux, je ne vais pas te dire des choses désagréables. Mais sérieusement, avant de m'accuser, mais je t'en prie, mais regarde-la, mon ami, regarde-la. Ah non, je vous conseille de bêcher ma femme, maintenant. Il me bêche? Mais oui, madame, oui. Voilà ce qu'il fait maintenant. Il brûle les dieux qu'il a adorés. Il vous rejette dans un coin comme un vieux citron dont on a exprimé le jus. Voilà, tu es stupide. Oui, mais tiens, tout ça, ce ne sont pas des arguments. Comment expliques-tu cette citation? Mais ce que je sais, moi, quelques plaisanteries de fumiste. Et la preuve, c'est que moi, qui suis impliqué au même titre que ta femme dans cette soi-disant affaire, je n'ai rien reçu. Tu m'entends? Rien. Eh bien, tant que je n'aurais pas reçu une citation comme celle-là, je n'irai. Je n'irai jusqu'au bout. Enfin. Monsieur, voici une lettre qu'on apporte du commissariat de police pour Monsieur Paillardin. Qu'est-ce que c'est que ça? La citation! Oh. Un Monsieur Paillardin, surpris en compagnie de Madame Pinglet, dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Ah, ça vous la coupe, hein? Ah, c'est bon. Ça, c'est trop fort. Oh, il y a une fatalité qui se charge. Eh bien, n'irez-vous maintenant, n'irez-vous. Je ne comprends pas, moi je deviens un fou, moi. Monsieur, voilà votre bottine. Merci, Victoire. Oh, infâme, trois fois infâme. Monsieur. Mais non, mais c'est pas à vous que je parle, voyons, allez, allez, allez, allez, allez. Allez. Bien, monsieur. Ah, Marcel. Ah, à vous, madame, vous arrivez bien. Vous voyez cet homme. Mon mari. Eh bien, c'est l'amant de ma femme. Lui. Dieu. Il n'y a pas un mot de vrai. Oh non. Trouvez-vous mal dans mes bras. Non, ah bon, mais, bon. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Fou, toi, d'aller lui dire ça. Marcel. Marcel. Mon Dieu. Mon Dieu, décèle. Attendez, décèle. Attendez, j'en ai là. Foulez, foulez, décèle. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu la citation, alors pour vous sauver, vous comprenez? Ah bon, je comprends. Défaillez, défaillez. Ah oui, oui. Allons, allons, allons, allons. Voilà, voilà, l'aisselle. Là. Monsieur, ce que vous avez fait là est indigne d'un galant homme. Oh, monsieur, vous le prenez de bien haut. Mais ne lui mettez donc pas les selles comme ça sous le nez, voyons, c'est corrosif. Allez, tenez, tenez, donnez-moi ça. Voyons. Oh mon Dieu, quel drame, mon Dieu, quel drame. De l'eau, de l'eau. Allez, allez, allez, allez, maintenant ça suffit, réveillez-vous. Ah bon, bon. Ça y est, elle revient à elle. Marcel, Marcel, je t'en prie, ne crois pas un mot de ce qu'il t'a dit. Ah oui, oui, c'est faux. Oui, c'est faux, allons donc. Ils ont été surpris tous les deux cette nuit dans une descente de police. Non. Oh, c'est affreux. Non. Faut-il m'évanouir? Non, c'est pas la peine. Ah bon. De la colère. Allez, chaud, chaud, chaud. Ah bon, bon, bon. Marcel, je t'en prie, ne crois pas ce que tu as lu. C'est une plaisanterie, c'est une farce odieuse. Mais c'est moi, monsieur. Les voilà donc, ces soi-disant esprits. Oui, oui, pour monsieur, c'était des esprits, et pour madame, c'était un cheval emballé. Et tous les deux reviennent de domicile conjugal avec le même œil en compote. Et ils voudraient nous faire croire que ce n'est pas en se débattant contre des agents qu'on leur a servi ces deux yeux au beurre noir. Allons donc. Oh. Et puis à la fin, c'est trop bête. Ouais. Nous sommes vraiment bien naïfs de nous défendre contre une accusation qui ne repose sur rien. Non, sur rien. Mais vous êtes persuadés, n'est-ce pas, que nous avons été arrêtés cette nuit par une descente de police? Si, si, nous en sommes persuadés. Oui. Eh bien, nous allons aller tous les quatre chez le commissaire et nous verrons bien s'il nous reconnaîtra. Hein? Ah non! Oui, oui, oui, c'est ça, allons chez le commissaire. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais pardon, mais pardon, vous nous avez accusés. Ah, oui. Seul le commissaire peut nous absoudre. Ah, alors, oui. Allons chez le commissaire. Monsieur Mathieu. Oui. Oh, quelle nuit, mes amis, quelle nuit! Dieu! Bonjour, Pinglet. Bon, oui, c'est bon, vous allez bien. Vous allez bien. Eh bien, tant mieux. Tenez, allez m'attendre dans ma chambre, voilà, nous sommes en affaire ici. Ah, ouais. Bon, bon, oui. Bonjour, Madame Paillardin. Bonjour, Madame Pinglet. Bonjour. Oh, qu'est-ce que vous avez donc à l'œil? Rien. Oh, si vous saviez ce qui m'est arrivé après que je vous ai quitté hier. Oui, oui, oui, oui. Eh ben, vous nous direz tout ça tout à l'heure. Nous avons été passer la nuit avec mes filles au dépôt. Toi? Oui, c'est ça, au dépôt, toi. Ne faites pas attention, il bégaye. Comment, je bégaye pas du tout, je ne bégaye pas. Oh, mon Dieu, il ne pleut pas, il ne pleut pas. Oh. Et heureusement, ce matin, on a reconnu qui nous étions et on nous a rendu notre liberté. Oui, eh ben, tant mieux. Non, mais allez, venez, venez, venez. Mais... Allez, allez dans ma chambre. Tenez, par là, par là. Non, mais j'en ai assez. Et je retourne au plus vite à Valenciennes. À Valenciennes, oui, ben c'est très bien. Alors, tenez, par ici, par là, par là. Ah, mais non, mais non, mais non, pas encore. Ah, pas encore. Bon, et ben alors, par là, je disais bien. Oh, par là. Oh là, quel rancœur. Non, non, mais à propos, et vous autres, comment avez-vous fait cette nuit? Bon, très bien, très bien, très bien. Ça s'est très bien passé. Je vous remercie. Voilà. Ah, ben, Oui. Et qu'est-ce qu'il entend par comment avez-vous fait cette nuit? Rien, non, j'ai eu l'impression de Valenciennes. Oui, quand on veut demander à quelqu'un comment avez-vous passé la nuit, eh ben on lui dit comment avez-vous fait cette nuit, voilà. Bon, et bien, alors maintenant, allons chez le commissaire. Ah non, non, ah non, allons. Monsieur le commissaire de police. Le commissaire. Ah. Alors, bon, allons, l'autre maintenant. Ah, il arrive bien. Oh, nous sommes flambés. Mais entrez, monsieur. Entrez. Monsieur Paillardin, je vous prie. Monsieur Paillardin. C'est voilà. Nous, monsieur, c'est nous. C'est, non, c'est nous. C'est moi, monsieur. Ah, oh, monsieur, je vous demande pardon. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite. D'abord, le temps est très couvert. Et puis, cette nuit, quand je vous ai vu, vous étiez si barbouillé de noir. Moi? Ah, oh, mais je vous reconnais très bien. Il le reconnaît, il le reconnaît. Oh, ben c'est ça, c'est pas mal, alors. Oh, vous me reconnaissez, moi? Mais parfaitement, voyons. Puisque je vous ai surpris cette nuit avec Madame Pinglet à l'hôtel du Libre-Échange. Moi? Oh. Moi? Vous m'avez surpris? Et moi? Oh. Avec elle? Madame Pinglet, sans doute. Oui, monsieur, Madame Pinglet. Très bien, excusez-moi, madame, excusez-moi. Il était si difficile de distinguer votre visage sous votre voile de dentelle. Moi? Mais maintenant, je vous remets très bien. Oh. Elle n'est pas jolie. Mais vous me remettez? Tais-moi. Il l'armait de mieux en mieux. Monsieur, mais c'est impossible que vous nous remettiez. Et pour la bonne raison que vous ne nous avez jamais arrêtés à l'hôtel du libre-échange. Comment je ne vous ai pas arrêté? Mais puisque je vous ai interrogé et que je vous ai rendu votre liberté sous caution. Oh, monsieur, mais si vous avez arrêté quelqu'un, c'est... Faut pas, moi, tel de farceurs qui ont pris nos noms et qualités. Oh, ça... Et puis d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Comment ça n'a pas d'importance? Mais oui, voyons, puisque l'affaire ne doit pas avoir de suite. J'ai même été désolé que mon secrétaire vous ait envoyé une citation quand j'ai su ce matin qui vous étiez. Monsieur Paillardin, architecte, expert auprès des tribunaux, car vous êtes bien un architecte expert auprès des tribunaux, n'est-ce pas? Oui, monsieur, mais passons, ça importe peu dans l'affaire. Ah, mais pardon, je vous demande pardon, peut-être pas pour vous, mais pour moi. J'ai justement besoin d'un expert, et je ne savais à qui m'adresser. Mais monsieur, écoutez... Monsieur, je suis bien aise d'être tombé sur vous. Voici en deux mots ce qui m'amène. J'ai une petite maison à la campagne. Mais monsieur, enfin, il ne s'agit pas de votre maison, il s'agit de l'affaire de cette nuit. Je vous répète, ne vous en occupez plus, voyons. Puisque vous justifiez d'un domicile et de moyens d'existence, vous ne relevez pas de la police. Mais monsieur, ce n'est pas pour la police que j'en fais, c'est pour monsieur et madame. Monsieur, madame... Nous, c'est pour respectif, qui sur la foi de votre citation... S'imagine que véritablement cette nuit, eh bien, comme ça est faux, n'est-ce pas? J'entends que vous les détrompiez et que vous affirmiez hautement que vous ne nous reconnaissez pas. Mais monsieur, mais voilà une heure que je ne fais que ça, voyons. Ah, pardon, c'est pas comme ça que je l'entends. Vous dites que vous n'êtes pas en état de reconnaître nos visages, attendu que vous ne les avez pas vus. Mais vous n'en déclarez pas moins que c'est nous que vous avez arrêtés. Monsieur, il m'est bien difficile. Mais enfin, quoi. Tâchez de vous souvenir. Oui. Hein? Regardez-nous bien. Oui. Si vous n'avez pas vu la figure de la dame, rappelez-vous sa silhouette, sa tête. Oui. Ça, il me semble qu'elle m'avait paru plus... moins conséquente, mais... Il se peut que ce soit un effet d'optique. Mon commissariat est bien plus large, bien plus élevé qu'ici, alors, n'est-ce pas, ça diminue les proportions. Je me rappelle d'une chose, cependant. C'est que la personne en question... avait une robe puce. Oui, eh ben j'en ai pas. Moi non plus. Taisez-vous donc. Mais toi, tu n'es pas en question. Ah oui, tout cela malheureusement est trop vague pour me permettre d'affirmer. Bon, eh bien alors monsieur, faites une enquête. Une enquête? Sont-ils indiscrets d'insister comme ça? J'aurais bien voulu vous parler pour ma petite maison. Oui, eh bien plus tard. Hein? Dites-moi, vous en avez arrêté d'autres que nous cette nuit, n'est-ce pas? Eh bien alors interrogez-les. Comment? Nous verrons bien s'ils nous reconnaissent. Où sont-ils, ceux que vous avez arrêtés? Attendez, j'ai la liste. Bon, alors passez-moi ça. Non, rien. Voilà. Gaëtan Boeuf, connais pas. Adèle Dubois, dite Flore. Bastien Morillon, monsieur Mathieu et ses filles. Ah, Mathieu! Quel Mathieu? Nous en avons ici, hein, Mathieu? Fistre! Si? Mais parfaitement, il y a 4 ans. Mais il nous a dit justement qu'il avait passé la nuit au dépôt. Toi! Au dépôt, toi, oui! Non, c'est toi qui as dit toi! Lui, il a dit dépôt! Mais alors, c'est lui! Nous allons bien voir, allons lui demander! Mathieu! Pinglet, la terre me manque! Ne faites pas ça! Non. Mathieu! Monsieur Mathieu! Eh ben, quoi? Venez! Quoi? Venez! Hein? Oh! Le commissaire de police, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous en prie, messieurs, madame, ne parlez pas tous à la fois. Comment voulez-vous que je vous comprenne? Mon Dieu, il ne bégaye plus et il parle! Vous étiez bien cette nuit, n'est-ce pas, à l'hôtel du libre-échange? Ah oui, j'y étais. Même qu'on m'y a arrêté, je ne sais pas pourquoi. Je m'en souviendrai de cette nuit. Oui, ça nous est égal. Mais dites-moi, nous y avez-vous vu madame Pinglet et moi? Moi? Mais non, je vous y ai pas vu. Ah, vous entendez? Quand je pense que mes pauvres filles ont été emmenées avec moi et ont passé la nuit au dépôt. Oui, ça nous est égal, ça. Mais alors, si vous ne nous avez pas vu, vous en avez vu d'autres? Certainement, j'en ai vu d'autres. Qui? Ça, c'est pas difficile à dire. Nous sommes perdus. Dis donc, Pinglet. Oui. Il me demande qui j'ai vu. Oui, j'entends. Vous voulez savoir qui j'ai vu? Non, mais ne tirez donc pas mon falto. Voyons, là. Eh bien, j'ai vu il bégaye. C'est la pluie, merci mon Dieu, c'est la pluie. Eh bien, monsieur, voyons, répondez. Qui avez-vous vu? Dieu bon, il n'a jamais autant bégayé. Le Nous ne sortirons pas. Oui. Ah, il y a un moyen. Un moyen. Oui, c'est de lui faire écrire sa déposition. Oui. Un bigre. Allez, tenez, monsieur. Asseyez-vous là. Et écrivez. Qui vous avez vu? Ah oui. Oh mon Dieu, mais alors ils vont tous savoir. Nous sommes flambés. Écrivez. Que demande. Dieu, le bonhomme de cette nuit. S'il me reconnaît, il va tout dire. Oh ! Il se met la serviette sur la tête, puis son chapeau et essaye d'enjamber la barre d'appui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Silou ? Attendez, ça me regarde. Monsieur, au nom de la loi. Laissez-moi. Mais non, quoi. Maxime, l'homme de cette nuit. L'homme barbouillé de noir, c'est lui. Le voilà. Maxime. C'est toi, malheureux. C'est toi. Qu'est-ce qu'ils ont tous? C'était vous, monsieur. C'était vous qui étiez cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Quoi, vous savez que j'étais... C'était lui. Mais vous l'entendez, monsieur Boucard, il l'avoue. En effet, Oui, car vous n'oserez pas dire que vous y étiez avec moi. Avec vous? Oh non, ça alors. Ah. Avec qui alors? Car vous y étiez avec une femme. Oui, avec qui? Bon, écoutez, ma foi, tant pis, avec Victoire. Victoire? Où est-elle, cette Victoire? Dans sa chambre, elle est montée s'habiller. Dans sa chambre? Non, j'y vais. Victoire! Ah, ça, mais... Taisez-vous! Laissez-vous tranquille. Venez. Cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Oh, comment, monsieur le sait? Et vous avez eu l'audace de prendre mon nom? Moi? Oui. Pas d'explication. Allez-vous-en. Je vous chasse. Mon ami. Oh, non, ne te commets pas. Mon ami, ne te commets pas. Allez, vous avez entendu, je vous chasse. Sortez. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils entendent? Oh, mais... Alors, voilà ma votre déposition. Non, nous n'avons plus besoin de votre déposition. Puisque nous savons tout, nous n'avons plus besoin. Non, oui, tenez, allez-vous-en, c'est l'heure du train, retournez à Valenciennes. C'est ça, il pleut. Oui, il pleut, mais il fait beau à Valenciennes. À Valenciennes. Ah, ouf. Et maintenant, jeune homme, puisque cet incident ne doit pas y avoir de suite, permettez-moi de vous remettre cette somme de 5000 francs qui vous appartient. À moi? Sapristi, mes 5000 francs. Comment qu'ils m'appartiennent? Mesdames, puisque c'est vous qui étiez à l'hôtel du libre-échange. C'est pour ça? Comment, on vous donne des primes là-bas? Oh non, revenir gros gens comme devant et que ça vous coûte encore 5000 francs. Quel hôtel? Moi j'y retournerai, hein. Quel hôtel? Eh ben j'y retournerai pas. Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, vous avez entendu L'Hôtel du Libre-Échange, comédie en trois actes écrite en collaboration avec Maurice Desvalières. Voici quelle en était la distribution. Dans le rôle de Pinglet, Robert Vattier. Dans celui de Paillardin, Pierre Mondy. Mathieu, Louis Seigné. Maxime, Darry Cole. Bastien, Michel Calabru. Boucard, Harry Max. Boulot, René Dupuis. Le commissionnaire, Gaëtan Genre. Ernest, Jean-Favre Bertin. Chervet, Edmond Beauchamp. Micheline Boudet jouait le rôle de Marcel Paillardin. Marguerite Pierry, celui de Madame Pinglet. Rosie Vart, Victoire. Yvonne Cressac, Pâquerette. Monique Delaroche, Violette. Arlette Accard, Marguerite. Françoise Brohan, Pervenche. Jacqueline Cantrelle, celle qui voit. La musique était empruntée à Offenbach et l'émission réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Cette pièce a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er novembre 1955.